KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout sans vous prendre la tête, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout, uniquement sur Énergie. Mickaël, 21h minuit. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bah ouais, tranquille. Une bonne journée de congé. Non, ça on s'est moyennement ça veut dire quoi rendu compte. Bah c'est un jour où en général t'as un boulot et tu vas pas travailler quoi. Bah, qu'est-ce qu'on fout là? Tu t'en rends compte toujours quand t'arrives à la radio et qu'il y a personne, tu vois, c'est la journée de con. Ouais. Voilà, en gros c'est ça. Tu sais, c'est quand le mec de la sécu te regarde et te dit mais qu'est-ce que tu fais là? À chaque fois on y a droit. En fait c'est quand j'arrive et quand ils me disent qu'est-ce que tu fous là, je dis ah oui c'est férié aujourd'hui. On s'est fait baiser. On les calcule même pas. Et qu'ils sont pas costards. Ce jour ils sont pas en costume. Ils sont en civil. Et qu'ils sont à la cool effectivement. Donc voilà, jeudi 13 mai, jour de l'ascension. Jour de l'ascension, effectivement. Et c'est la fête des mecs qui installent les ascenseurs, c'est ça? Ouais, voilà. C'était difficile en fait à trouver une vanne là-dessus. C'était compliqué, mais finalement ça va, on a réussi, c'est pas mal. J'aurais pas dû, on a réussi vite fait quoi. Ce soir, malgré tout, grosse soirée, même si c'est un jour férié. Alors, jour férié, on va se faire des radios chatasses quand même, hein, puisque c'est un peu comme le vendredi, voilà, le jour férié. Donc voilà. Sûr que les gens sont là. Bah ouais, on verra. Oui, déjà aussi c'est plus facile, c'est clair. Donc si vous avez des numéros à proposer pour les radios chatasses, surtout n'hésitez pas bien sûr. 612, débutez votre message par Énergie, puis vous mettez chatasse avec le numéro de la personne qu'on doit appeler et le prénom de la personne que nous devons appeler. Donc 612, débutez par Énergie, puis vous mettez chatasse et ces petites informations là. On aura l'occasion aussi d'écouter le faux JT du jeudi. Qui lui n'est pas en congé. On ira faire un tour du côté du Sarco Game aussi, bien sûr. Si vous voulez là aussi vous inscrire, c'est possible. Mickaël.fr, cliquez sur la communauté. On aura l'interview, ça y est, après une semaine de retard, de Bel Air DJs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bel Air DJs, alors bah ça c'est une chanson sur Facebook, hein, et ça s'appelle Tu Facebook justement. Et alors écoutez un petit extrait donc de Bel Air DJs. J'ai beaucoup de mal au début, hein. C'est gratuit seulement pour les meufs. J'ai promis, tu m'attends devant. Salut, c'est moi, Elodie. On dirait Sandy. Ça fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai. T'étais du genre modèle élite sur tes photos, mais là j'avoue, tu ressembles plus à Arlette Chabot. Le matin dans ton lit, tu Facebook. Et toi Sandro? Le matin dans ton lit, tu Facebook ou pas? Ça m'arrive, mais sur l'iPhone. Oui, bah pareil, t'es sur Facebook quand même. Ouais. Donc elle est Facebook aussi, très bien. Je regarde mes mails, tout ça quoi. Et toi, Top? Non, je Facebook pas le matin. Ah, tu Facebook pas? Non. Mais est-ce que tu vas Face? Un autre moment de la journée alors. Ouais, un autre moment de la journée. Oui, ça m'arrive d'aller sur le Facebook de l'émission. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu Facebookeras la demoiselle là, qui viendra bien sûr qui, que je vais la Facebooker, je vais la Facebooker, la refacebooker. Ouais, je crois que tu t'enflammes un peu, hein. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah, donc voilà, on reçoit donc tout à l'heure Bel Air DJ, ceux qui ont fait la chanson qu'on vient d'écouter maintenant. Ils seront donc avec nous aux alentours de, je sais pas, de 22h à mon avis, un truc comme ça. Et puis donc Toff voulait absolument rencontrer je sais pas comment elle s'appelle, mais enfin bon, la petite la demoiselle, sympa, la demoiselle, jeune fille du clip. Mais non, mais je sais pas, et on voit pas l'info sur le clip, y a rien, donc on sait pas. C'est qu'un bout de viande. Et donc oh, la violence. Bah, écoute, j'aimerais bien faire ça ira, ce bout de viande mon repas. C'est ça. Donc tout ça pour dire que ils seront là à 3 tout à l'heure, les deux chanteurs et la demoiselle que vous voyez dans le clip. À Paris, ça va être une galère. Taratara. J'avais pas osé rouler. Ouais, fallait pas la faire. Ouais. C'était une vanne de remplissage. Il y avait la casse vanne. Ils seront là. Attends, parce que... Voilà. J'ai pas capté. C'est bon. Ils seront là à 3. J'ai dit non, faites ça à Paris. Ah, c'est nul. Hein. Ouais, par contre, on n'a pas dit qu'il y avait des casses de remplissage. Hein. Ah, voilà. Ouais, j'ai coloré, écoute, j'ai débordé, ressort là et ouais, on va mettre autre chose dedans. C'était très mauvais, enfin c'est pas très grave. Bon bref, allez, ils seront donc là avec nous, voilà, tout à l'heure. Tout simplement. Et donc Toff, qu'est-ce que t'as prévu là pour draguer la demoiselle? J'ai prévu la guitare, la chanson. T'aurais dû te prévoir de fermer ta gueule, ça aurait marché. Voilà, là ça va. Tu vois, la vanne, elle est bonne. Tu vois, comme quoi tout arrive. Juste de la vanne. T'as une érection vue d'ici. Non, c'est moi. Alors, c'est le mec qui est. Parce que le roux aussi est excité par la meuf du clip. Il a dit au niveau du nombril, il faut se méfier. Le torse, le torse. Peut-être que le roux est bien membré. On aura l'occasion aussi, probablement, de faire un chéri, je t'ai fait cocu ou un GAV. De là, ce qui soit bon, on verra, bien entendu. Si vous voulez vous inscrire, cela d'ailleurs, c'est possible. D'ailleurs, bah, Michel n'est pas encore là. Bah non, vous pensez bien. 6-11-12, il faudra débuter. Il faut d'ailleurs le faire dès maintenant. 6-11-12, débutez votre message par énergie, puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. Ou pareil sur emmickaël.fr, où on salue également Johanna, Megan, il y a également Marie, un petit peu comme tous les soirs également. Et puis Léa notamment, et tous les autres. Mikael.fr, on est plus de 60 000, donc vous pouvez venir discuter avec nous, il y a du monde, vous inquiétez pas. On fera un petit blind test, d'habitude on fait ça le vendredi également, mais là comme je l'ai dit pour Radio Chata, c'est un peu le c'est un peu le deuxième. C'est le vendredi en avance. Ouais, voilà, c'est le vendredi avec un petit peu d'avance. On aura le Mac du jour, le question pour une réponse également, The P.O.L.O. Show, et puis le répondeur également, comme chaque soir, 01 40 71 3400. Écoutons les messages que vous avez laissés sur le répondeur. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Je peux te dire que j'aime bien ton émission, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de musique. Fin du message. Ouais. Message suivant. C'est seulement pour dire que j'ai un gros coup de gueule à passer sur mon portable. Pendant 2-3 mois, j'ai pas du tout eu de réseau. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ni répondre ni appeler. Et ça m'a grave saoulé. Moi, ça va, tout est revenu dans l'ordre. Mais bon, ça m'a grave saoulé, quoi. Je pouvais même pas aller sur internet, franchement c'est grave. Bon ok j'ai internet sur j'ai un ordinateur, mais bon, quand même si j'ai envie de regarder les choses, je peux pas. Allez, au revoir. Fin du message. Paris, on t'encule. Paris. Quoi? Et c'est pas demain. Voilà, ça c'est de ma mère. C'est un nouveau message. Elle était bien celui-là. Ah, celui-là il est bon. Hein. Celui-là était bien, celui-là était pas mal du tout, effectivement. Donc oui, pour le problème, je suis pas convaincu que ça vienne de l'opérateur. Hein. Le côté internet du problème. Non, je pense pas non plus. Non, je pense pas non plus, effectivement. Bon, 01 40 71 3400, laissez encore vos messages, évidemment, sur le répondeur No Malaise. Et puis, alors en parlant de Paris en tant cul, là, c'est le dernier match, là. PSG Montpellier, après-demain. Vous allez vous faire rétamer la gueule, mais d'une violence. Il y a des chances. Surtout c'est le dernier match, il n'y a plus rien à jouer sauf Montpellier qui joue quelque chose. La Ligue des Champions. Ah ouais. Ouais, ouais, donc ils vont être surattaqués. Si je ne m'abuse, il n'y a aucun international au PSG, donc ils sont tous partis en vacances là, ça y est. Ouais, mais ça, voilà. Ça fait exprès. Ah. C'est, ouais, parce que c'est comme pour ça, qu'ils perdent en beauté. Non, quoi. C'est pas ça, mais comme ça, quand il y a la Coupe du Monde. Bah les joueurs ils ont pas besoin de partir du club, ils sont dans le club. Voilà. Bon après l'avantage c'est que pendant la Coupe du Monde il n'y a jamais de championnat. Mais au moins ils sont dans le club. Et donc c'est le moment ils sont dispo s'il faut. Voilà, c'est le moment où ils sont le plus performants, mais il n'y a pas de match. Voilà. D'accord, ok. Oui c'est intéressant. Nous, on n'en voit pas les mecs en Afrique du Sud, les pauvres quoi, tu vois. Je comprends. Ça doit être dur pour eux d'aller jusqu'à là. Mais t'inquiète pas, ça sera dur également samedi. Hein. Ouais samedi ouais. Bah je vais me saouler comme ça direct. Oh putain. On va finir alcoolique parce que le nombre de défaites. Grave. Ah bah toi qui va continuer à supporter ce club là, ça va être la merde. Hein. Ouais. Alors que tu viens de Marseille. Ouais, même c'est pareil, parce que je saoulerai la gueule pareil plus, pour les victoires. Ah ouais, ouais c'est pour les victoires. Alors. Déjà pour les victoires et puis pour oublier que je les supporte. Quelle mauvaise foi. C'est une mauvaise foi, c'est assez exceptionnel quand même d'être mauvaise foi comme ça. C'est la rivalité, c'est allez, c'est pas très grave, on vous a fait donc le topo de ce soir. Je mettrai également The Surgeries tout à l'heure comme promis, toute la semaine un morceau de The Surgeries qu'on aura l'occasion de passer tout à l'heure, bien évidemment, The Surgeries qui était avec nous la semaine dernière. Si vous voulez mater les photos et les vidéos, c'est dispo sur mikael.fr. Mikael, le podcast. Et on va pouvoir faire péter maintenant le faux JT. Il y aura le Radio Chata juste après ça. Avant ça, faux JT maintenant avec nos deux grands reporters. Nous sommes le jeudi 13 mai 2010. Bonsoir à tous. Fait divers. Un conducteur ivre arrêté avec 4,22 g d'alcool dans le sang a été acquitté à son procès. Ah, comme quoi ça sert de bosser au ministère de l'Environnement. People. Hier, Noémie Lenoir a tenté de mettre fin à ses jours. Effectivement, elle venait d'apprendre que Claude Makélélé avait prolongé son contrat au PSG. People, toujours, rappelez-vous, cet été, Johnny Hallyday avait été annoncé mourant. Il avait fait un démenti pour rassurer ses fans. Cette semaine, c'est Europe 1 qui annonce son retour pour se faire encore opérer. Information une nouvelle fois démentie par le chanteur. Bon, bah, de quelle information on peut être sûr à propos de Johnny alors? Oh là, il est bourré. Insolite. Selon le Figaro, un hareng de plus de 3 mètres aurait été trouvé en Suède. Un record. Un record. Nous, on a bien un thon de près de 100 kilos au ministère de la Santé. Monde, pour finir. Des inondations font 70 morts dans le sud de la Chine. Et oui, le riz, ça se cuit avec beaucoup d'eau. La violence. Voilà, fin du bac du jour, le bac du jour que vous retrouverez Faut JT que vous retrouverez donc sur amical.fr. Et puis nous allons pouvoir enchaîner maintenant avec le Radio Chatas. Ah. Alors évidemment, d'habitude on fait ça que le vendredi, là c'est jour férié aujourd'hui, donc c'est considéré un petit peu comme un vendredi. Ouais, sauf pour Bilou qui bosse du coup. Sauf pour Bilou aussi au final, hein, pour le même, mais bon, lui pour la peine effectivement il bosse double effectivement. Mais rassurez-vous, on aura quand même des Radio Chatas demain. Ah, en théorie, parce que demain ce sera vendredi. On n'a pas tout perdu. Voilà, on n'a pas tout perdu effectivement. Donc voilà, c'est jour férié, c'est Radio Chatas, c'est plus facile, c'est comme ça. Je vous rappelle aussi que d'ailleurs, on aura tout à l'heure Facebook, c'est le titre, et ce sera Bel Air DJs. Est-ce que t'as fait au taquet? Je suis au taquet, j'ai déjà le braquemar. Ah d'accord, ok, très bien. Bah écoute, ça fera plaisir à la demoiselle qui joue dans le clip, que vous pouvez voir d'ailleurs sur mikl.fr. Voilà, très bien. C'est marrant, pas de gens qui sont contents de. D'avoir Bilou aujourd'hui, C'est fatigant et c'est nul. Oui, c'est complètement nul, hein. Ah, salut Bilou. Bonsoir. Salut Bilou. Ta gueule, il est là. Ah, pardon. C'est le mot magique qui l'attend, hein, le ta gueule. Ah, juste en disant ta gueule. Bah, j'ai l'impression, ouais. Ah, bah, très bien, mais la prochaine fois, on pourrait le dire dès le début. Non, parce qu'il faut que tu aies dit bonjour. D'accord, ok, très bien. C'est compliqué. Il faut qu'il entende ta voix. Je prends note. Comment? Tu fais pas le pont alors, Bilou? Ah, si, j'ai fait le pont jusqu'ici. Ah oui, c'est vrai. Voilà, pour arriver là, et puis voilà, oui, c'est un viaduc, hein, voilà, c'était de vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, tout simplement. Bon, on va faire Radio Chatas. Vas-y, Bilou. À mon avis, ça aurait été plus drôle que votre JT là. Ah, peut-être. Hein. Ah, bah, je vous le confirme. Allez, on écoute. Enfin, on écoute. On va appeler plutôt le premier. Je sais pas pourquoi je dis on écoute. Allez, c'est parti. Il va être bon, là. Allô? Oui, là, monsieur Jean? Monsieur, oui. Monsieur Jean, bonjour. Vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas. C'est Bilou. Comment allez-vous? C'est Bilou. C'est Bilou sur Radio Chatas. Je vous appelle en fait pour vous. Est-ce que vous connaissez la radio? Ah non. A jamais entendu parler? Non. Peut-être vu des publicités à la télé? Non. Non, des affiches à la radio? Ah, j'ai rien vu. A jamais. Voilà. Bon, c'est pas grave. Écoutez, soyez le bienvenu. Je vous appelle pour vous poser une petite question. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux. Ouais, d'accord. Alors attention, écoutez bien. Quelle est la différence entre une mini-jupe taille 36 et une autre taille 44? Attention, 10 secondes pour répondre à la question, gagner des cadeaux. Il y a 4 de différence. Ah non, 36 et 44. Non, 36. 36 et 44. Ah ben 4 et 4, 8. Ah bah oui, mais 4 et 4, 8, mais c'est la mauvaise réponse. Ah bah tant pis. Mais c'est pas grave, la réponse était la 36, c'est faite pour les petites putes, et la 44 pour les grosses salopes. Ah. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, vous serez fidèle à Radio Chatas dorénavant, Radio monsieur Chatas. Jean. D'accord. Toujours sur 109.3 FM. 109.3. Quel est le nom de la radio? Quel est le nom de la radio? Châtel, l'appel. Non, Radio Chatas. Radio Chatas. Voilà, et la fréquence? Ah, je prends 109.3. 109.3. Voilà, et là, le nom de la radio? Attendez, je vais noter 109.3. Voilà, et le nom de la radio? Radio Chatas. Voilà, et la fréquence? Ouais, d'accord. Allez. Non, mais dites-moi, c'est pour être sûr. Oui, bah ça va, et oh. Ah bah pas pour m'écouter, voilà. Mais non, mais alors quelle est la fréquence? Oui, bah 109,9. Ah bah non. Non, 109.3. Ah bah oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah écoutez, c'est pas grave, vous pouvez me tutoyer quand même. Allez. Bon, allez, au revoir monsieur Jean. Au revoir monsieur Jean. Oui. Au revoir. Bah bravo Bilou. Bravo Bilou. Bah quoi? C'était un peu osé. Qu'est-ce que c'est que cette question? Bah écoutez, je me suis un petit Est-ce peu ouvert. Qu'est-ce que c'est que cette réponse surtout? Bah ouais. Je me suis un peu ouvert. Oui, on voit ça. Et en fait, vous faites combien vous, Sandro? Du 44. Ah, une grosse salope. D'accord, ok, très bien, c'est noté. Voilà. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Hein. Ouais, d'accord. Merci, Bilou, allez, Bilou. Allez, au revoir. Hein. Au revoir. Ah, on m'acclame plus là. Non. Bah non, tu t'en vas. On est content. Non, bah bon, après, des fois que vous auriez pu l'acclamer, hein, comme il y a le con là, qui arrête pas de gueuler au début. C'est, là. C'est seulement au début. Ah, d'accord. Jamais okay. À la fin. Ah, bon, bah alors, si c'est que au début, alors pas de problème, très bien. Bon, on va revenir dans quelques instants avec. Qu'est-ce qu'on va se faire? Le Sarco Game, si vous voulez participer d'ailleurs au Sarco Game, pas forcément celui-là, parce que Micha est plus rapide que l'éclair, nous a déjà mis les auditeurs dans le standard, comme quoi tout arrive. Mickaël, le podcast. Comme tous les soirs, en plus, il est prêt depuis tout à l'heure, c'est magnifique. On va pouvoir faire le Sarco Game. Sarco Game qui se joue tous les soirs. qui se joue très souvent avec Sandra, qui se joue un tout petit peu moins souvent avec Tofuru. Mais je pense que Sandro a participé quasiment à tous depuis le début. Non, pas tous. On peut compter ceux que j'ai pas fait, c'est ça. Sur les doigts d'une main. Trois. Non, bah oui, mais le problème, c'est que les gens t'aiment. Mais non. Trois. Non, c'est pas vrai, pour être honnête, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste que. C'est juste que tu dis à tout le monde et tu montres à tout le monde que tu triches. Et donc, comme tu triches, tu gagnes. Donc, comme tu gagnes, les gens prennent. Voilà. Non, j'ai dit combien de fois? J'ai dit 20 fois, je ne triche plus là. Mais c'est pas vrai, tu triches. Si, remarque là, mais c'est pas ça. Le problème n'est pas là. C'est que t'as l'image. C'est ça le problème, c'est que t'as l'image de tricheuse, ça a tellement triché avant que... Les gens m'aiment, c'est tout, arrêtez de trouver des vieilles excuses. Oui, évidemment, ou alors les gens aiment t'entendre souffrir. Oui, peut-être. Bonjour, Sandra. Bonjour, Nicolas. Bon, 5, 5, 5. Allez, on va jouer, maintenant. Bah attends, Tof, une seconde, on va d'abord voir avec Audrey et avec Cécilia qui sont là toutes les deux. Bonsoir Audrey, bonsoir Cécilia. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment vous allez? Salut. Ça va, super. Ah bah, bon, très bien. Elle a décédé. Bon, oui, vous, à un moment. Bon, on va donc jouer au Sarco Game. Ok. D'accord. Alors, pour jouer au Sarco Game, c'est simple. Il faut choisir quelqu'un. Audrey, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Parfait. C'est pareil. C'est pas mal, Sandro. Ah, attends. Petit test quand même. Je suis un peu stressé, là. Attends, pardon, j'ai fait oui, bien. Oui. Il a encore testé sur moi. Voilà. Ah, il a retardement le bâton. Voilà. Le bâton. Mmh, et t'aimes la douleur. Oui, j'aime bien. Et Cécilia, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Avec le roux, mais on n'a pas bien entendu. Regarde. Bien. Non, on entend. Voilà, on entend. Voilà. Tu vois. Je déteste ce jeu. Bonjour, Ro. Bonjour, Nicolas. Voilà. Bon, je vous rappelle les règles du jeu, vous connaissez? Non, ça va. Bon, bah, je vais vous le rappeler parce que je me souviens là. Non, attends, je me souviens, il y en a qui ont pas. Ouais. Qui ont dit, c'est bon, t'inquiète, on gère. Et puis au final, ils sont lourdés parce qu'il y avait un détail qu'ils n'avaient pas noté. Donc, en gros, c'est facile, Audrey. Je te rappelle la règle du jeu. Pareil pour Cécilia et ceux qui sont derrière leur radio. Je vais poser des questions. Il faudra forcément y répondre. Si vous avez une idée de la question que je viens de poser, à savoir qu'il faut attendre que j'ai complètement cité la question pour tenter de répondre, il faut crier votre prénom bien fort. Si par exemple Audrey donne sa réponse qu'elle est bonne, tant mieux. C'est à ce moment-là l'équipe d'en face, Roux et Cécilia, qui prennent une décharge. Le point revient donc à Audrey et à Sandro. Si en revanche la réponse est mauvaise, c'est Sandro qui prend une décharge et à ce moment-là Cécilia peut se concerter avec le Roux. Ok. Ce jeu est vraiment stupide. Bon, et s'il n'y en a aucune des deux qui tente sa chance pour la réponse, je choisirai quelqu'un entre vous deux. D'accord? Ok. Allez, c'est parti, c'est facile, on y va. Premier. Qu'est-ce que tu fous, Roux? Putain, ta cuillère en plastique là. Il se fait bouffonner par une cuillère en plastique. En fait, il y a une cuillère en plastique et je veux la taper sur la table et qu'elle pète. Ouais, il va ça commence. Oui, ça fait 30 génial, coups putain. Mais non, petite cuillère en plastique. Foutu un incapable pareil. Ça, je te confirme. pour vous rendre compte, c'est une pauvre petite cuillère en plastique qui tape sur un morceau de bois, il n'y arrive pas. C'est une table. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Il s'est foncé la main. C'est pas aujourd'hui l'expression du jour. Il a la même main que Jamel Debbouze maintenant. Oui, enfin, donc il en a pas. Si, il en a une. Oui, une, ouais. Ah, mais je l'ai cassée. Bah quoi. Oui, tu l'as cassée en deux, mais en même temps, tu t'es pété le doigt. Aussi, quelle bête type, c'est dingue ça, quand même, d'être bête à ce point-là. Oh là là, eh ben, bon, putain, décharge pour fêter ça. Arrête. C'est pas gagné, Cécilia, je te le dis direct. Hein. C'est vraiment pas gagné. Allez, première question, on y va, vous êtes prêts? Ouais. En l'occurrence. Que mange Jennifer Aniston pour maigrir? Rien. Cécilia. Des céréales protéinées. Décharge pour vous. Oh, non, putain. Mauvaise réponse. Ah, Audrey, tu peux te concerter avec Sandro. Non, j'ai la réponse. Ah, c'est bien. Non. De la nourriture pour bébé. Bonne réponse. Oui, ah, bravo. Ah, voilà. Ça fait mal, Andro. Ah ouais, il a mal. Ah, t'as mal. J'ai t'as mal surtout sur le doigt. Tu sens plus la douleur du sarcogène. Si tu mets ta main à plat et je tape dessus. Non, mais il regarde. Bah oui, oh, mais le doigt. Ah ouais, putain, il est devenu bleu là. Mais grave. Oh la vache. La phalange, elle est en train de gonfler. Ouais, mais des glaçons. Attends, mais t'as fait quoi? Mais en fait, il a voulu taper la cuillère, il a tapé violemment et en fait, il a tapé son doigt contre la table. Quel cocole. Mais lui, une décharge, ça va. Non, arrête. Ouais, t'es ouf. Tu as 5. Voilà. Allez, deuxième question. Kate Moss vient de dépenser plus de 174 000 euros pour faire des travaux dans son appartement londonien. Oh là là, on s'en fout. Mais qu'a-t-elle fait à ce prix-là? Un méga rail de coke. Non. En fait, c'est un circuit de voiture, mais c'est de la coke. Audrey, elle a fait une peinture. Qu'est-ce que tu racontes, Audrey? Elle a fait elle quoi a fait Elle fait la peinture murale. Avec qui Audrey? Elle a fait une peinture murale, elle est avec Sandro. Ouais, et donc là, le roux, il est content, il se dit ah, elle va prendre une décharge. C'est une bonne réponse. Décharge pour roux. Oh non, ah, oh, non. Ça fait mal, un roux. Arrête, arrête. C'est fini, c'est fini. Bah oui, mais ça continue. C'est fini. Victoire. C'est fini. Attends, je vais peut-être chercher une question encore. Hein. Oh. Comment? Il y en a eu deux. Ah pardon, je... Non, si, si, il y a eu... Non. C'est fini. Tiens, prends ça, Ro. Oh là là, j'aime ce jeu. Tu sais qu'il est meilleur qu'avant, le deuxième cru est meilleur que le premier. Oh, c'est quand même bon. Coup ou pas? Non, c'est bon. Allez. Bon, je vais reposer une vieille question parce que je m'en suis rendu compte que j'ai fait de la merde et que j'en ai plus. Il faut questionner plus pour tasser. Mais c'est plus. Pas grave. Je vais prendre une vieille question, donc elle sera peut-être plus vraiment dans l'actu, mais c'est pas grave. Allez, j'en prends une vieille au hasard. Boum, attention. C'est parti. Alors attention. Combien d'opérations de chirurgie esthétique Heidi Montag, l'héroïne de la télé-réalité américaine The Hills, a-t-elle subi en une seule journée? Cette question est compliquée. A déjà été posée surtout. Cécilia. 5. Mauvaise réponse. C'est pas ça. Sandro, tu m'aides? Alors en fait, on s'en fout complètement parce que t'as gagné de toute façon. Mais tu prends une décharge quand même, Sandro. Oui, mais c'est pas grave. T'aimes bien, t'as mal. Hein. Attends, c'est fini. Si elle donne la bonne réponse, t'en prends une. Hein. Parce que là, c'est celui qui est le plus proche en fait. Et c'est celui qui est le plus proche. Le sarcogène, on l'aime ou on le quitte. Quoi qu'il arrive, si elle a une mauvaise... Sauf si elle donne la bonne réponse. Sauf si elle est pile poil, ouais. Sauf si elle est pile poil. Je vais dire 6. Ah, tu penses qu'elle en a fait plus? Non, je pense qu'elle en a fait 3 en fait. Moi j'étais sur 3 aussi, mais... Ouais, 3, allez, on va dire 3. Bah ouais. De toute façon, t'as gagné, on s'en fout. Hein. Allez, décharge pour 100 euros. Allez, c'est bon. La réponse était 10. Oh putain, en une journée. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà posé cette question-là, mais... Personne s'en souvient. Oui, j'ai pas de mémoire. Ah oui, oui, bah je vois ça. Je pense, on sait même pas qui c'est la meuf. Effectivement, non, je t'avoue. C'est Heidi Klum, c'est la meuf de Cécile. C'est Heidi Klum. C'est pas du tout elle, quoi. C'est la meuf de qui? De Cécile. Ah, je rêvais du MC. Ouais, mais c'est pas Heidi Klum, pour la peine. Hein. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Bon, eh ben, victoire de Audrey. Ouais, merci. Pas mal. Ouais, super. Eh ben, écoute, je te fais des... Je te fais des gros bisous, Audrey. Ben, merci. Audrey, n'hésite pas, la prochaine fois que tu rejoues, tu peux me prendre, il n'y a aucun souci. T'as raison. Bon, allez, salut vous deux, à bientôt. Ciao. Bye bye. Et retour, bien évidemment, du Sarco Game demain, même heure. Au revoir, Nico. Au revoir, à bientôt, bande de blaireaux. Ouais, c'est ça. Bientôt, allez, Nicolas. Oh là là là là là là. Bon, alors, j'ai des problèmes du forum du jour. Ah. J'ai cependant peur qu'il soit légèrement tôt. Oh, que tu parles bien. Oui, je sais, ouais. C'est parce que justement après ça va parler mal. Donc... Ah ouais, d'accord. J'ai effectivement un petit peu peur qu'il soit légèrement tôt afin de... Vas-y, on s'en bat les couilles. D'accord. Hein. Vas-y, prends-en un pas trop... Ok. En même temps... Je crois qu'il en a pas. Si, ouais. J'en ai un, mais je donnerai la défense en cas de problème avec le comité supérieur. Mm-hmm. Je donnerai ma défense juste après. D'accord. Ah, très voilà, bien. Voilà. C'est Youp Youp. Ah, bonjour Youp Youp. Qui a envoyé le message. Ami de Pac-Pac ou pas? Je sais pas. Donc voilà, c'est Youp Youp qui avait envoyé un message donc sur un forum, d'où le nom, le problème du forum du jour. C'était le 28 juillet 2009. Tout le monde s'en fout, mais je tenais à préciser. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, j'ai invité une amie à venir manger chez moi. J'avais fait des pâtes bolo. Je ne suis malgré tout pas un grand chef. Je me suis éclipsé 5 minutes aux chiottes. Il fallait faire vite et j'ai mis mon sperme dans mon assiette. Dans son assiette, ouais, pardon, afin qu'elle... pendant qu'elle était dans le salon, sans rien lui dire, bien sûr. Je pense qu'elle n'a pas senti qu'il y avait du sperme, qu'elle a trouvé ça très bon. Moi, j'ai trouvé ça assez excitant qu'une amie que je vois souvent en tout bien, tout honneur, mange mon sperme. Eh, hey, Sandro, l'année dernière, t'as été manger des pâtes bolo chez un mec. Et alors? Quoi? Non, bon voilà, c'est pas raté, c'est pas raté. Ah oui. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs un peu barrés de ce genre? Quelles sont vos réactions? Donc en bon, cas de problème, alors, je rappelle que le CSA a laissé sans problème une diffusion à l'heure de grande écoute, je pense. Merde, putain, American Pie. Ah oui. Voilà. Ah, il faut préciser à Youp Youp que le sperme n'est pas du parmesan. Hein. Ça dépend, séché, ça y ressemble. Séché et gratté, ça y ressemble. Ouais, mais c'est quand c'est au milieu de la bolo, tu vois, si t'en mets un petit peu, tu vois rien une fois que tout est mélangé. Oui, tu vois pas, mais bolo, faire ça. Mais non, mais quand il y a un petit peu. Tu fous tes ragnagnas dans de la bolo. Oh. Oh. Bon, et il y a Ara qui répond. T'es un gros dégueulasse, vicieux et pervers. Cela s'assimile à du viol car elle n'était pas au courant. Si elle l'avait su, il y a fort à parier qu'elle t'aurait balancé ton assiette dans la tronche, te faisant avaler les débris de l'assiette compris. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait par rapport à une amie. Tu aurais fini à l'hôpital, non mais. Voilà. Mais attends, le gars il fait ça, mais tu le défonces. Ouais. Ensuite il y a Zara qui dit, là je cite une histoire judiciaire, le père éjaculé dans le biberon de sa fille d'un an. Oh mais arrête. Même si la mère n'aurait pas dû choisir un moyen aussi radical, on peut tout de même la comprendre. L'autre il en poule. Enfin, après, c'est un bar, j'ai un problème. Bien fait pour sa gueule. Bon, alors il y a un monsieur qui s'appelle Profil Supprimé. Oh, oulala. Donc ça devait être un mec bien hardcore. Qui dit putain, trop bon ça. Bonne idée jouissif, la sauce au sperme qu'elle avait en se régalant. Faudrait que je le fasse. Tu devais trop bander en la voyant avaler ses pattes. Voilà. Et alors, il y a l'autre, c'est Profil Supprimé. Ah bon, bah, comment vous voulez. Alors, arrêtons là. Ah, c'est crâne. Voilà, c'était le problème. Faut voir, il était aussi crâne le dernier ou pas? Bah ça a été supprimé donc j'imagine. Je le lis avant pour être sûr. Oui c'est dégueulasse. Oui c'est dégueulasse. Oui on va pas là. Oh non, on en parlera un autre jour, éventuellement, pourquoi pas. Hein. Oui bah plus tard. Bah un autre jour, ça me paraît pas mal. Hein. Bon allez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Oui parce que bah, on a rien à dire là-dessus. Ouais, ouais, ouais, par contre c'était pas American Pie, hein, c'était Boys and Girls. American Pie, mais ça habite en fait dans la. Oui, dans, voilà, dans oui, wow, ça va. Dans la tarte, ouais, mais non, mais. Wow, on va pas chipoter, on est dans Boys and Girls, c'est du. Tu l'as déjà fait la tarte, Toff? Avec la tarte au sperme? Avec la tarte. Non, non, la mettre dans. Non, jamais, j'ai jamais fait ça. Non, l'aspirateur, t'as fait toi. L'aspirateur et le gant de toilette avec les pattes, ouais, j'ai fait. L'aspirateur de maman, bien sûr. Bien sûr. Les pattes de maman? Non, les pattes de maman, non. Non, j'ai fait ça à l'époque où je vivais seul et où j'étais désespéré sexuellement. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Tu devais faire pitié à voir. Ah mais je faisais pitié à voir. Mickaël, le podcast. Et puis nous allons pouvoir passer aussi dans quelques instants à l'interview de Bel Air DJs qui sont enfin là puisqu'ils devaient être là la semaine dernière, je vous le rappelle, mercredi dernier. Petite extinction de voix, bon ça peut arriver même au meilleur, ouais. Mais évidemment ouais. Donc du coup ils seront là tout à l'heure, Toff est chaud comme la braise, là il reste 10 minutes là. Ah ouais, je suis au taquet. 10 minutes, un quart d'heure. Je suis prêt. Tu rencontreras la demoiselle l'amour blonde. De ma vie. Oui, oh, c'est de ta vie peut-être, mais de sa vie c'est pas sûr. Hein. Oui. C'est même loin d'être le gars, mais enfin mais bon, peu importe. Mais s'il rêve de moi déjà. C'est ça, parce que je vous rappelle bien évidemment que là, il y a une demoiselle blonde qui est dans le clip de Bel Air DJs, que vous pouvez voir d'ailleurs sur mikael.fr. Toff est perçu d'avoir ses chances. Il nous a dit qu'il avait préparé des petits trucs. J'ai toutes mes chances. Voilà, non, toutes tes chances, non, mais que t'avais préparé des petits trucs, ça oui. Donc on verra ça tout à l'heure. Ne nous enflammons pas, ça arrivera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Avant ça, on a reçu, alors pour une fois, on a reçu le jeu. Ouais, avant, c'est cool. En avance, exactement, ouais. Split Second. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de voiture. Vous allez me dire, quelle est la différence avec les autres? C'est que d'habitude, les autres, il faut arriver premier. Il faut arriver sans faire d'accident. Là, il faut arriver premier quand même. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il faut le but vraiment, c'est d'arriver premier. Alors ouais. Avec celui-là, c'est quand même beaucoup plus particulier puisque on vous en offrira la semaine prochaine. Hein, donc soyez bien là. On vous offrira des jeux et des consoles la semaine prochaine. Donc là, sur en Xbox, fait, hein. Là, c'est là. Sur Xbox, ouais. Sur sur PS3 aussi. Ouais, mais là, on a la Xbox en l'occurrence, ouais. La 360. Et donc concrètement, le but du jeu, c'est, alors je vous explique, il faut déraper le maximum de temps possible. Ah, fort, c'est du parce drift. Que voilà, parce que en dérapant, on gagne, on va dire, des points, c'est plus facile, on gagne des points, et avec ces points on peut faire exploser la ville. Voilà. dans le but de faire chier les autres joueurs. Donc c'est à dire que tu peux faire tomber des tours, et donc du coup t'as des morceaux de métaux, des morceaux de tours, des morceaux de briques, des morceaux de tout ce que vous voulez qui arrivent sur la route. Il faut les éviter. En fait c'est un peu comme un film hollywoodien, tu vois, quand ils sont là, ils sont en train de rouler, t'as toute la ville, ouais, voilà, t'as toute la ville qui s'écroule, tu dis qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et donc voilà, tu peux même faire écraser des avions. Ouais, tu peux. Ah ouais, ouais, parce qu'en ouais. Donc sur là on a pris le centre-ville, mais si tu prends l'aéroport par exemple, tu peux faire écraser la tour de contrôle, et en fait ça, si tu veux, ça ouvre une nouvelle route qui te fait passer entre les avions, et il y a moyen d'écraser un avion. Ouais, ouais, et donc quoi. En faisant péter toutes les routes, tu peux trouver d'autres routes, genre tu peux passer en dessous de la route, c'est-à-dire un parking par d'accord. exemple. Et à quel moment il vient Bruce Willis, parce que Sandro s'impatiente. Ah ouais, bah écoute, on verra. Non, mais j'admire les images, c'est joli. Elles sont belles, ouais. Ouais, putain, c'est on verra. Et encore, on l'a pas en HD, on a la version démo pour l'instant avec les images qui sont pas terribles, mais avec la version HD, je pense que ça peut être pas mal, on l'aura la semaine prochaine. Bon, allez, on y va, c'est Toff et Roux, les deux conducteurs du futur, dimanche. Hein, du ouais. dimanche. Roux, faut rappeler que Roux n'a pas le permis et que moi j'ai jamais dépassé le 120 sur ma voiture. Voilà, c'est ça à peu près. Ah, hein, tu montes à 120 quand même. Ah ouais, en marche arrière. Sur l'autoroute. Ouais, je suis en rouge. Ah, t'es en rouge toi et moi je suis en bleu, moi je suis en haut. Et toi, Roux est devant, Roux est devant. Vous entendez le son là, c'est parfait. Donc Roux effectivement pour l'instant est devant. Jusque là tout va bien. Faut faire pas mal de dérapages dès qu'il y a un virage pour accumuler des points. Voilà, et donc là pour l'instant vous avez bien remarqué qu'il n'y a rien compris au jeu puisqu'il n'y a aucun bruit de dérapage. Pas si vous entendez bien. Ah, ça y est quand même. Il essaye, mais c'est pas ouf. Ouais, je fais du dérapage pour faire du dérapage. Prends l'aspiration, Toff, prends l'aspiration. Ouais, c'est ça aussi, ouais. En prenant l'aspiration, voilà, tu gagnes des points aussi, hein. C'est comme avec le dérapage. D'accord. Voilà, donc si tu restes collé à son cul, en fait, tu prends des points alors que lui prend rien. Donc il faut être parfois derrière, parfois devant, tu vois, ça dépend. Toff a complètement merdé. Voilà, là, j'ai merdé parce que du coup, le roux est loin devant. Ah, il est loin devant. Ouh là là là là. Ah ouais, là, 48 secondes devant moi. Là, j'accumule pas mal de points déjà. Ouais, là, ouais. Alors attention, oula, oula, c'est quoi ça? C'est un couloir de bus. Moi ce que. Ah putain, il fait chier de la Noé, merde. Non mais même là, ils ont mis des couloirs de bus, là, les relous là, merde. Ce qui va être plus drôle, c'est quand Sandro va jouer. Ouais, mais je connais pas les facile, les touches et tout. C'est, là. Ça, t'as deux touches. Je sais même pas où est-ce qu'il faut rouler. Sur la route. Ouais, mais bon, vous êtes pas sur la route, hein. Bah, si. Hein, t'as pris un couloir de bus, c'est interdit ça dans le code de la route. Ouais, t'es en sens inverse. Je suis en sens inverse. Ouais, mais il n'y a pas d'autres voitures, je crois, ça va. Non, mais oui, t'inquiète pas. Vous avez pris le mode easy, hein. On a pris le mode... Mode débutant, quoi. Ouais, voilà, ouais. Putain, le mec qui nous a présenté le jeu jouait quand même 100 fois mieux. Ouais, t'es marrant, toi, il l'a développé. Et bah oui, mais enfin donc bon... Donc là, voilà, là, en face de moi, j'ai des mecs avec des petites, on va dire, des petites ampoules au-dessus de leur voiture. Là, mais on va dire ça. Ouais, ah, c'est là, du tuning. Voilà, donc là, quand je vais appuyer sur la touche, ça va, là. Ça va voilà. Oh putain. Voilà, t'arrives. Oh putain, ah oui. J'ai explosé un immeuble. Alors, trois voitures. L'avantage c'est que ça pète dans tout. Ah oui, le roux est tellement persuadé. Est tellement là avec ses explosions qu'il s'est pris un mur, mais en pleine face. C'était pas mal. Hop là. Allez, on avance. Bon. Je suis 4ème sur 8 là. Oui, bon, enfin bon, il reste encore 4 personnes devant. Et Toff, t'es quantième? Je suis 8ème sur 8 avec 15 secondes de retard sur le premier devant moi. Ah ouais. Vous avez une conduite dangereuse quand même. Oui, exactement, ça mérite pas très écologique. Suspension de thermie. Bah oui, ça, c'est-à-dire que la gomme par terre, l'essence grillée, non, c'est pas terrible. Bon, il y en a un qui va faire péter un immeuble. C'est vraiment le mec qui nous a fait la démo du jeu, là, il arrivait à gagner des points, mais en 10 secondes. Peut-être qu'il avait des codes. Dernier tour. Peut-être qu'il avait des codes. Allez, pour on le dernier roux, tour. Hein, allez, encore le dernier tour. Ouais, bah Toff, il a démarré le premier là. Et encore, on n'est pas sûr. Tu as 3 secondes de la première place, c'est ça? Ouais. Et bon, Sandro, tu penses que tu vas y arriver là? Non, je pense que je vais pas démarrer moi. Mais enfin, si, c'est pas compliqué. T'as jamais su m'en sortir. Aïe, aïe, aïe, il s'est pris une grue, il m'a mis une grue dans la gueule. Et le roux est accidenté, la voiture est défoncée. Heureusement, il y en a une autre. Pendant ce temps, Toff remonte. Et Toff remonte, effectivement. Je regagne un petit peu de terrain, mais bon, ça va pas. Attends, mais je vais l'exploser là. T'as combien de retard là sur. Je sais pas, j'avais 10 secondes au moins. Oh bah là maintenant c'est bon là. Voilà, là je suis au top des points là pour niquer les autres. Ouais, mais enfin par contre t'es pas au top de la place, hein, t'es 7ème maintenant. Ouais, mais ça c'est pas grave. C'est-à-dire que t'as Toff qui est juste derrière ton cul, mec. Hein. Juste derrière? Ah, juste derrière. Ouais, je le vois pas. Hein. Non, mais juste derrière dans le sens où t'es 7ème et 8ème. Ah oui, putain, t'es avant-dernier, roux. Ah ouais, t'es avant-dernier. Attends, je les chope. Ah ouais, t'auras rien du tout. 17 secondes avant de rattraper le roux. Je le vois. Attends-le. Mais non, attends, vas-y, mets-lui une patate. Mais qu'est-ce que tu fous, Roux? Bah attends, faut qu'on voit la loupiote. Bon, attends, t'es en bleu, toi, hein? Moi, je suis en bas, moi. Ah, toi, t'es en bas? Mais oui, ouais, moi, c'est ah, merde, moi, ah bah oui, d'accord, ok, parce que je voyais la voiture de Toff qui va n'importe où. Je dis, mais qu'est-ce qui branle le Roux, en fait? D'accord, allez, Roux! Accélère! Oh là là là là là là là là! Pousse! Ah, tu vas bouger ta poubelle, hey, pousse! Oh là là là là, putain, Roux. Ça compte pas les pouces. 27 secondes pour attraper le roux. Bah oui, mais c'est parce que Roux il va à fond de balle en fait, il cherche pas le dérapage puisqu'il a tous les points. Et j'ai déjà tout. Oh bah accident, ouais. Tous les deux. Hein. Moi j'ai tué ma voiture. Non mais lui, Roux aussi. Hein, ah mais là, tu sais. Bon, fais péter un immeuble juste pour rire, tu vas arriver à la fin là. Ah oula. Oh là là, putain. Oh, c'est vraiment mignon ça. Ah oula. Oh là là, je peux pas faire péter quelque chose. Ah oui, tant c'est que vrai. Le mec il est pas en face de moi, je peux pas faire péter quelque chose. Bah tu peux faire péter le métro, non? Non, là tu peux rien faire. Le métro est rien. Je peux péter que si j'ai un mec en face de moi. Bah vas-y, avance alors. Ah oui, mais je suis à 6 secondes de lui. Bon, attends Toff alors. Je suis à 22 secondes moi du roux. Bon, allez, freine. Moi? Oui. Non, mais non, je. Vas-y, freine, attends, il va te rattraper. Bon alors, comment tu vois les secondes? Je vois pas les secondes moi. Mais ça s'affiche que de temps en temps en fait. Ah d'accord, ok. Il arrive. Mais pourquoi tu l'attends? Mais parce que comme ça on fait. Mais comme ça on fait péter le bordel, attends une seconde. Bah le fais pas sur moi, enfoiré. Allez. Moi, je suis en rouge, c'est pour ça que je te dis que je vais le faire. Allez, oh là là, il est lent. Il arrive. Oh il est lent. Ah, il a pas pris la même route que moi. Oh putain, vous êtes vraiment mauvais. Oh merde, hein. On a terminé le jeu. Ah bah bravo. C'est intéressant ça. Bon bah voilà, c'est fini. Bon bah alors, non, il est bien. De quoi? Il est vachement bien. Non, il a l'air franchement, effectivement, il a l'air bien. L'avantage, c'est que c'est pas un jeu de voiture où effectivement tu dois juste arriver premier quoi. Le concept étant d'arriver premier aussi, mais tu peux faire... non, mais tu peux tout faire péter autour. Ça, le truc. Ce qui me fait rire, c'est que Tof est toujours bien, dans la course. Moi, j'ai bien compris le principe du jeu, c'est de pas arriver le premier. Alors, ça y est. Pour expliquer, en fait, là, j'ai freiné quoi, je sais pas, pendant 6 secondes en attendant. Plus, même plus, je pense. Hein. En attendant Tof. Et en fait, il est jamais venu. Je pensais qu'il était juste derrière moi, mais non, j'avais 20 secondes de retard. Non, bah 20 secondes de retard. En fait, il y a un moment, j'ai merdé au départ, et puis après, j'ai pu se rattraper. Il y a un moment, c'est dur. Bon, alors, ce que je propose, c'est que Sandro s'entraîne ce week-end éventuellement, et que on remette d'accord. le couvert lundi. Tu peux mettre la console dans mon sac. Oui, dans ton sac. Je pense pas que ça va rentrer. Si, j'ai un grand sac aujourd'hui. Ah ouais, bon, bah écoute, c'est tant mieux. Donc, par contre, je sais pas si je vais te demander ça. Sinon, ça rentre dans ma poche. Hein, je fais des grandes tailles. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai oublié de demander au mec qui a conçu le jeu là si on pouvait mettre une smart dans le. M'étonnerait. Ouais, je pense pas. C'est dommage parce que Sandro, pour la peine, là ça va, la smart elle gère. Ouais, mais attends, peut-être qu'on peut débloquer des bagnoles. Ouais, mais à mon avis, tu dois avoir des points, pour ça il faut être bon. Ouais, pour ça il faut qu'on joue un peu, mais on va jouer ce week-end. Ouais, parce que là pour l'instant on peut pas dire que vous soyez très très bon. Mais c'est pas grave, cela dit, on va essayer de faire des parties la semaine prochaine. Ce que je propose, c'est que vous soyez là dès lundi, puisqu'on vous filera des jeux lundi, on vous filera également des consoles pour ceux qui n'ont pas de console du tout, un peu comme moi par exemple. Hein. J'aurai l'occasion bien sûr de vous enfiler dès lundi, dans quelques instants. Tof va devoir mettre... Tof va pécho, c'est va non, pécho. Non, Tof va pécho. Va essayer de draguer la petite blonde. Enfin, elle n'est pas petite en fait, hein, parce que je l'ai vue sur le clip, elle n'est pas petite. Hein, ouais, mais je la pécho quand même, c'est pas ça le problème. Ouais, c'est ça. Bon, on verra bien ça, on verra ça et vous verrez ça dans quelques instants. Vos messages de soutien, bien sûr, n'hésitez pas. mikael.fr, cliquez sur la communauté. Arrête de dire des conneries, Tof, tu sais que c'est... Non mais tu sais que c'est pas vrai en plus. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais que t'as aucune chance. Qu'est-ce que t'en sais? Elle va peut-être arriver, tomber sous mon charme, on va repartir. Mais t'as vu ensemble. Sa tête? Ah oui, j'ai tombé. Mais c'est pas pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais non. Ah, ça y est, parce que c'est moi, j'ai droit qu'à des moches. Bah, c'est ce que tu nous as prouvé tout au long de ta vie. Voilà, justement, j'ai envie de changer aujourd'hui. Encore. Et c'est grâce à elle que je vais changer. Ouais, c'est ça. Mais alors là, laisse tomber. Ouais. Bon, alors, va te changer d'abord. Ouais, c'est ça. Déjà, vas-y. Vas-y, ouais. Mikael, le podcast. Et on accueille maintenant, enfin, avec une semaine de retard, Bel Air DJs. Bon, alors, est-ce que la voix est revenue? Tout à fait, elle est là. Parfait. Yeah. Très bien. Parce qu'on sait, c'est-à-dire que la semaine dernière, on t'a eu au téléphone. Tu nous as dit, non, je peux pas venir, j'ai une extinction de voix. Bon, on t'a eu au téléphone et au final. Non, il y avait de la voix, mais le problème, c'est que bon, bah, comme je pousse très haut dans les notes, tu vois, ça passait pas. Il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à atteindre. Voilà. Surtout qu'ils n'avaient pas la machine. Ah, la machine magique. Ah, alors, c'est quoi? C'est la location, quoi, qui était pas disponible pour la machine? Ouais, c'est un peu ça, c'est des histoires de la poste, tout ça. Non, mais. Sérieux, on a les mêmes problèmes avec la poste, t'inquiète pas, on peut balancer, il n'y a pas de problème. Donc, Bel Air DJs, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si Pedro a calé un petit bout. Sur cette photo, t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Comme toutes les meufs, tu te prends en photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté, ouais, trop la classe. Voilà, donc c'était Bel Air DJ, c'était le morceau qu'on avait fait découvrir il y a quelques semaines. On avait mis des petits morceaux et finalement ça avait bien réagi, bien marché. Donc c'est plutôt cool. Comment c'est arrivé? Vous êtes dit, vous étiez quoi, deux mecs sur Facebook, passiez votre vie là-dessus, et puis vous êtes dit putain, il faut faire un truc. Ah, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Ça. On est des vrais Facebook addicts. Et d'accord. Du coup, bon bah voilà, effectivement, à force de voir toutes ces pages, tous ces profils, tous ces groupes, voilà, ça nous a, on a vu qu'il y avait des trucs qui nous faisaient bien marrer. Mmh. Notamment toutes ces filles qui se prennent en photo devant la glace. Et d'ailleurs, depuis que le morceau est sorti, on en a de plus en plus. Ouais. Et insulte. Ouais, c'est clair. Non, mais finalement, non, elle nous ajoute et elle nous aime bien. Ouais. Donc c'est cool. Elles disent ça déchire, tu gères. Ah ouais. Ça, c'est l'expression des meufs en ce moment. Ouais, exactement. Tu gères. Ah oui, c'est pas mal. Et quand on va sur leur profil, parce qu'on est un peu curieux, on s'aperçoit qu'elles ont toutes la fameuse photo de profil là avec l'appareil devant la glace. Tu vois le flash là dans la glace. Exactement. La glace. Alors pour les plus professionnels, il y a Photoshop où ils gomment le flash. Ah ouais, mais ouais. Nous, on va pas rentrer dans le détail technique. Voilà, exactement. Bon, Tof est content puisque vous êtes venu avec mademoiselle qui était effectivement dans le clip. Là, est promis. Voilà, exactement. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elodie. Elodie, voilà, donc Tof, Elodie, Tof. Alors t'as vu, il a changé par rapport à la photo, puisqu'on a eu des échos là, que t'étais par au téléphone la semaine dernière, ouais. En disant Tof, pas terrible. Bon, j'ai pas ça effort, par contre, j'ai non. Fait un effort, les cheveux, mais bon. Les cheveux. Ouais, bon, par rapport à ça, par rapport au pas terrible, on n'a pas pu faire grand chose malheureusement, juste la coupe de cheveux. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un bel effort. Je me suis limite rasé en plus. Donc. Ouais, bah limite alors. Ouais, limite, ouais, je me suis rasé hier. Ouais, j'avais peur de plus avoir de mousse aujourd'hui. Non, je comprends. Bon, donc bref, tout ça. Ça me prend là. À prendre sa vie en fait. Oui, c'est en même temps ça. Si tu te rases pas hier. Ouais. Bah, il te reste de la mousse aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'ai la mousse, c'est doublement con ton truc. Un détail, c'est pas grave. Commencez pas à le ridiculiser devant non, mais bon. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, donc concrètement, comment t'es arrivé au milieu de la voix cassée? Du clip, au milieu. Non, oui, et dans le clip, en gros. Bah, en fait, à la base, je les ai rencontrés sur FG. Ouais, on peut voilà. le dire ça. Ouais. Oui, oui, sur Radio Fréquence. Maintenant, c'est trop tard. Oui, alors, mais c'est pour ça qu'elle a pas eu peur d'y aller. C'est dit, c'est bon, il y a pas de risque. Ah bah c'est ça, hein, pour la peine, ouais. Et donc, c'est Paul qui m'avait, c'est Paul qui m'avait formé. Ouais. Alias Monsieur Smithers. Hein, voilà, Monsieur Smithers, pseudo, qui est le deuxième star. DJ. D'accord. Et voilà, il m'avait bien formé d'ailleurs. Et puis voilà, après le feeling il est passé. Et au final, ils m'ont demandé si je voulais faire le clip. Alors j'ai dit avec plaisir. D'accord, ok, très bien. Et donc, alors vous deux, par rapport à la chanson, c'est venu d'office sur elle ou non. Ah donc c'était pas d'abord elle en premier. Bah d'accord, bah, très bien, ça fait plaisir. Ah non, si. Ah oui, d'accord. Non, okay. Pas l'idée du morceau, non. Ah si, bah nous on l'a, quand on a écrit, on voyait Elodie. Hein, était... Ah ouais, donc vous l'avez écrite pour elle concrètement, ouais, quoi. Ouais, oh, ok, ça c'est beau. Le premier couplet lui est dédié, ouais. Ah les romantiques. Ouais, est-ce qu'on peut se remettre en tête le premier couplet pour ceux qui éventuellement n'ont pas. T'es dans les friends de ma cousine, sur cette photo t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Toutes les meufs tu prends en photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté, trop la classe. Bon bah très bien, toi tu vas ouvrir un Facebook maintenant. Non. Enfin, elle a un Facebook. Ah, bah, j'imagine. Facebook pas. Non. Alors, il essaie de nous faire croire qu'il n'a pas de Facebook, sauf qu'il connaît les trucs du Facebook. Il dit ah ouais non mais la dernière fois on était sur son ordinateur et parfois il se met en veille et donc on avait rebougé la souris. Ah, la page Facebook. Et alors on lui au alors, nom de Jean-Claude Camus. Ouais. C'est ça ouais. Et donc il nous fait croire qu'il n'en a pas. Donc, non, j'ai pas de Facebook. Arrête un peu de nous. J'ai pas de Facebook, gueule, arrête. T'es la seule personne. Bon, à part l'euro, mais bon, lui, c'est parce qu'il est gauche. Lui, il a le droit de pas en avoir, mais oui. Non. Mais non, mais c'est parce que lui, il passe pas sa vie à essayer de trouver des meufs. Mais moi non plus. Ah bah non. Il a trouvé maintenant, il y a Elodie. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais est-ce que Elodie a trouvé? C'est ça la question. Ah, on va lui demander. Je suis sûr que ce soit. Oh, après, je sais. Non, mais laissons faire le fil de l'émission, le feeling. Laisse le charme agir. Ouais, bah alors là, mec. Je pense que là on peut. Enfin bon. Plutôt Facebook, iPhone ou BlackBerry, c'est comme on en parle dans la chanson justement. Alors plutôt, pour l'instant plutôt iPhone, mais. Je crois qu'il y a bien plutôt Nokia. Bon, alors on attend que non, ça se vende. iPhone, mais je suis en train de me. Voilà. Il est en train de se chauffer pour le BlackBerry. Il n'y a aucun intérêt. Je garderai iPhone, le doute. Ouais, en plus. Ah bon? Ouais, je tiens à mon iPhone quand même. Et je suis quelqu'un de fidèle. Bon, après, les mecs de BlackBerry vont m'en vouloir, mais c'est une faute de goût. Enfin, comment on peut passer de l'un à l'autre? Enfin, je sais pas. Non, moi je veux pas passer de l'un à l'autre. Justement, je veux garder les deux. D'accord. C'est comme un mec, par exemple, qui aime les blondes et les brunes et qui arrive pas à se décider, tu vois. C'est... Ouais. Tu gardes les deux aussi. Ouais. Alors, quelle est la blonde? À l'iPhone. Et pourquoi? Je ne sais rien. D'accord. Ok. Non, mais très bien. Bon, au niveau des réactions sur votre Facebook, par contre. Ou les mails. En général, comment ça se passe par rapport aux fans? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas la vanne et qui vous insultent? Vous êtes des bandes de bouffons, vous avez rien compris, etc. Comme ça peut arriver parfois aussi quand on fait une vanne, un truc au second degré ou au troisième degré parfois, et où on se fait quand même insulter. Alors vous, comment ça se passe? On va dire les gens hype. Ouais. Tu vois, on a vu sur des, parce qu'il y a des blogs hype, tu vois. Ouais. Oui. Voilà, les gens hype nous chient dessus. On a eu quelques mauvais petits commentaires. C'est de la merde, tout ça. Et mais puis, c'est vrai qu'en général, sur Facebook, en tout cas, les gens sont à bloc, quoi. Sur d'accord. Facebook, on a, enfin, tous les gens qui nous ajoutent, qui voient le truc et tout, on a des super réactions. Bon, donc, et comment on fait pour vous ajouter? Et ben, bah, tout simplement, Bel Air tout attaché, DJs avec un Z à la fin. D'accord, donc DJs, D-E-E. Ouais, J-A-Y-Z. D'accord, ok. C'est un groupe ou c'est un. Pour l'instant, c'est nous. Non, il y a les deux. Il y a le profil et il y a les deux. D'accord, très bien. Non, parce que vous allez vite vous faire arriver à la limite et puis après, c'est la merde. Donc, il y a la page aussi. D'accord, puis, ok. Alors, il y a des pages qui se créent dont on n'est pas les auteurs. Il y a la page. Toi aussi le matin dans ton lit de Facebook. Ça y est, ça démarre. Voilà, des groupes qui sont créés avec les phrases de la chanson. Bon, et la prochaine chanson, s'il y a, parce que est-ce que c'est juste un délire ou vous avez vraiment envie de faire un truc, un album complet, quoi, ouais, concrètement. Ouais. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment juste un délire qu'on a fait. On savait faire un peu de musique, on n'avait jamais écrit vraiment de paroles et on s'était jamais lancé. Et là, comme on était beaucoup sur Facebook et que ça nous a inspiré, ça nous a fait marrer, on s'est dit allons-y, faisons la chanson. Voilà. Après, ça reste un délire, donc il est très possible qu'on qu'on arrive dans quelques mois à faire Twitter après avec quelque chose. Ouais, voilà, non, non, voilà, donc on va pas partir là-dessus, faire Twitter, faire MySpace et tout, mais voilà, on peut faire, on va certainement faire un autre titre en français parce qu'on a bien aimé justement écrire, on l'avait jamais fait et ça nous a bien fait marrer, donc on va peut-être le refaire, de faire un truc un peu en français comme ça, électro, bah, c'est ce qu'on fait au niveau de la musique. Et voilà, il y aura peut-être un deuxième, et après il peut très bien y avoir des choses complètement différentes parce qu'on aime avant tout la musique, et donc il n'y a pas de... Et comme vous êtes DJ, est-ce que vous tournez plus maintenant en boîte ou si vous êtes plus sollicité depuis la chanson? Ça commence un peu, oui, puisqu'on on nous réclame forcément le live. Nous, on est DJ, donc on fait le live, ça, le showcase, et DJ set derrière. Donc, bah oui, ça aide, forcément. D'accord. Ça aide, il y a pas mal de dates qui facturer les deux. Comme il y allait. Of course. Ils ont doublé le tarif depuis. Et deux fois plus. Waouh. Wow. C'est vrai que ça aide vachement les radios, dès qu'il y a un morceau, dès que les DJ, tu leur envoies les morceaux et tout, du coup, ils te connaissent et voilà, après, ils en parlent au DA des clubs et voilà. D'accord. Bon, alors, ce que je propose, c'est que maintenant, on fasse justement la chanson, enfin, que vous fassiez la chanson en live, bien sûr. Non, parce que ce que tu sais pas, c'est que tu vas la faire avec moi. Oh, bah, mec, alors là, mec, t'es pas dans la merde. Mais si, parce qu'on a l'autotune. Flinguer. Ah! C'était l'auto. On peut expliquer. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas des arnaques et on va dire, nous, on n'est pas des chanteurs à la base. Et enfin, je suis pas chanteur parce que c'est moi qui pose la voix sur ce morceau. Ouais. Et donc, on a fait appel à la technologie, hein, et un petit appareil qui s'appelle l'autotune, qui est utilisé par plein de rappeurs américains d'ailleurs, qui savent pas chanter. Voilà. Et donc, on utilise ça. Donc, même toi, si ça se trouve, tu pourras faire le refrain. Écoute, on essaiera, pourquoi pas. On va faire le morceau. Voilà, faites le morceau pour nous montrer comment on fait. Et à la fin, tu viens faire le refrain avec nous. Alors, je propose que nous fassions, parce que je pense qu'on a chacun un talent très caché. De voix particulière. Ah ouais. Avec grand plaisir. Ah ouais, on a tous un... Alors, je vais pas. Le meilleur, c'est moi. Oui, voilà, je vais pas revenir sur lui parce qu'on va finir par croire que. C'est d'acharnement, que, mais. Que oui, c'est d'acharnement, mais. C'est d'acharnement. Voilà, mais pour la. Alors, je sais pas si Pedro, éventuellement, a un extrait de chanson. Alors, sans le. Sans machine. Enfin, si, un petit peu de machine, quelques corrections, et malgré tout, ça donne ça. Le meilleur moment. Voilà, ouais. Voilà, donc juste. Non mais on rigole. Paris, bon, c'est alors pas si mal que ça. Ça c'était sur la chanson. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment une bonne idée pas, en écoutant ça. T'as pas mis en valeur tout mon talent là. Ouais. Écoute, on va essayer d'en trouver une autre. C'est pas un problème de justesse avec Toff, c'est qu'il est jamais dans les temps. Non. J'arrive à dissocier la chanson et le rythme de la chanson. Voilà. Et donc concrètement, pour donner vraiment une idée au problème, si par exemple tu dis vas-y répète-moi ah oh, il va se faire ah. Mais ah oui, il ne fait pas exprès, hein, il essaye, ça va vraiment pas. Il met la volonté et tout. Voilà, ouais, bien sûr. Ouais. Il va la chanter d'ailleurs tout à l'heure, votre chanson, mais avec et sans, sans votre petite machine. Le problème de la machine, c'est que ça règle effectivement la tonalité, ouais, mais pas la rythmique. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Bon, en tout cas, on va essayer maintenant. Je propose que vous vous installiez pour faire le live. Et puis, on se fait donc justement le live maintenant de Bel Air DJs avec Tu Facebook sur Énergie. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Bel Air DJs. Live. Yeah. Sur Énergie. Et Michael. Ouais. Yeah. Le matin dans ton lit, Michael, est-ce que tu Facebook? Non, que dans les chiottes. Le matin dans ton lit, let's go. Bel Air DJ, tu Facebook? Yeah. Sur Énergie. Ouais, ça fait. T'es dans les frênes de ma cousine. Sur cette photo, t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Comme toutes les meufs, tu prends une photo. La bouche en cœur, le décolleté, ouais, trop la classe. T'as Michael dans mes amis. Tous les soirs, t'écoutes Énergie. Yeah, encore. T'as Michael dans tes amis. Tous les soirs, t'écoutes Énergie. C'est parti. T'as l'air OP, tous les mecs t'ont laissé des postes. T'es dans le groupe, tu fous les compilés au cost. Ce soir c'est bif en rue Marbeuf. Tu participes à l'événement. C'est gratuit seulement pour les meufs. Mais promis, tu m'attends devant. Toutes les pédagogies. Ah, c'est moi. T'étais du genre modèle élite sur tes photos. Mais là j'avoue, tu ressens plus ça, le chabou. Le matin dans ton lit, tu fais. sur ton iPhone, ton Blackberry, du Facebook, du sort d'After Unity, du Facebook, nouvelle Nike, New York City, d'upload les photos, ouais, du Facebook, demain donc dans ton lit, du Facebook, sur ton iPhone, ton Blackberry, du Facebook, du sort d'After Unity, du Facebook, nouvelle Nike, New York City, d'upload les photos, ouais, du Facebook. DJ Monster, êtes fan de DJ Monster? Ouais, ok. Il vous suggère de devenir fan de DJ Monster. Sur ton profil, c'est marqué Work at the Studio. J'avais promis que j'y toucherais pas, mais je suis dispo. Du coup, j'ai posté sur Twitter que je passe la peine avec ta sœur. J'ai pas marqué ce que je vais lui faire. J'avais 140 caractères. Pareil que tu bosses avec Angoon. Que votre morceau is coming soon. Ça fait 6 mois que tu l'as écrit dans ton statut. J'ai pas cliqué, j'ai aimé depuis, tu me parles plus. Ton meilleur pote se dit graphiste, il a les tracks des logiciels. Il va gommer tous les touristes, du shooting sous la tour Eiffel. Grosse dédicace à Jean Rock. Jean, on peut faire une photo s'il te plaît? Dans ton album, y'a cette photo avec Jean Rock. Toi t'es derrière, coupé des flous, mais tu t'en moques. Le matin dans ton lit, du Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, du Facebook. Tu sors l'after, il est midi, du Facebook. Nouvelle Nike, New York City, d'upload les photos, ouais, du Facebook. Le matin dans ton lit, du Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, du Facebook. Tu sors l'after, il est midi, du Facebook. Nouvelle Nike, New York City, d'upload les photos, ouais, du Facebook. Voilà le live. Le live de Bel Air DJs. Tu Facebook. À qui le tour? C'est énorme le tube. Alors attention, attention. Enfin, c'est un tube. Mais je parle pas de ça. Je parle d'un instrument en fait. C'est, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est une toolbox en fait. Et le son part, le son du synthé que je joue en fait part dans une boîte, ouais. Et la boîte envoie le son dans un tuyau qui arrive dans ma bouche. C'est pas son assistant. Oui, parce que vous verrez sur la sur la vidéo, c'est vrai qu'il y a un tuyau qui rentre dans la bouche. Ça, ouais. On se dit putain mec. C'est le son qui est utilisé pour California Love par exemple. Ah, d'accord. Et alors aussi, si mes souvenirs sont bons, Dieu sait que je ne suis pas fier de citer ça. FL65, non, c'est pas ça? Alors je crois qu'FL65 c'était un vocodeur. Ah merde. C'est encore différent. Ah, c'est moins noble. C'est oui, je suis confus. Effectivement, là, tu dis la technologie, tu fais des trucs de ouf. Ouais, là pour la ça peine. C'est vieux de dire ça mais mec, il a un tube dans la bouche, ça fait du son et tout, c'est un problème. Ça c'est très très vieux, hein. Ouais, ça c'était à l'époque des morceaux funk, c'était Roger Troutman, c'est dans les années dans les années d'oiseaux et dans les années 60. Même Stevie Wonder les putain utilisé à l'époque. D'accord. Et alors justement, on a le Balero qui est un grand fanatique de chansons. C'est vrai, quand on reçoit des stars, des chanteurs, des chanteuses, il essaye toujours de venir faire son live. Non, tu m'emmerdes et tu m'imposes à ces mecs-là. C'est pas vrai, Roux, t'as un talent, mec. Ouais, t'as un talent. Sais, j'ai du talent, mais t'as pas un talent. Ça. Et donc, alors écoutez, c'était avec Justin Nzuka quand il était passé. Donc Justin Nzuka était à votre place justement, et donc le Roux était là avec le guitariste de Justin Nzuka. Et donc, ça a donné un featuring. Et ça a donné ça, ouais. Darling, give me your right hand. I think I understand. Ah, donc, là on arrive meilleur moment, hein. Follow me and you will never have to wish again. Voilà, ah oui non merde, je le refrain, j'allais oublier. Bon alors concrètement, est-ce que vous pensez qu'avec vos machines du futur... Ah, ça m'en rendra pas par l'anglais. Est-ce que... Non, mais c'est pas ça le problème. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de lui? Non. Ah, c'est mort, complètement mort. Si, on peut tout faire. Bon, alors, Roux, vas-y. Je suis pas dans les temps, moi. Essaye, t'as les paroles. Non, c'est Toff qui devait faire ça. Est-ce que t'as les... Mais c'est pas grave. On va faire un cappella, comme ça, il y aura pas de problème. C'est encore mieux. Ah bah voilà, ouais. Comme ça, tu t'affiches et il y a pas la musique, donc on t'entend mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut surtout m'enregistrer le moment du Roux, mais... qu'on puisse le réutiliser quoi, tout seul si c'est possible. Si c'est possible, hein, on va essayer. Alors attention mesdames et messieurs, le Roux va donc devenir le chanteur officiel de Bel Air DJ. Voilà. DJs. Voilà, non, non, mais je, avec un Z, comme c'est pas toi qui chante, je préférais c'est vrai, t'as raison. Déformer un peu le nom pour des fois que les mecs essayent de chercher, tu vois. Nous, c'est Blair DJs. Oui, Blair DJs, ouais. Attends, et Roux, est-ce que tu veux. Je peux te proposer quelque chose. Est-ce que éventuellement tu veux Toff avec non, le tube? Non, ça va, ça va aller. Attends, c'est énorme. Oui, avec le tube. Toff, va mettre le tube. Mais non, je vais mettre le tube. Si, si, va mettre le tube. Tu vas voir. Ouais. On fait nos tests en direct. Alors attention, nouvelle chanson qui risque de déchirer pas mal, là, à mon avis. Blair DJ. Non, Toff, ça se met dans la bouche, hein, pas un. Oui, oui, oui, oui, c'est dans la bouche, Toff. Hein. N'essaye pas de faire du bruit et quelque chose, ça servira à rien. Allez, vas-y. Alors attention, petit mode d'emploi. On sait comment, tu sais comment ça marche, Toff? Joue lui les trucs. Absolument et laisse-le pas. Ah. On va expliquer. Oui, tu vas mettre dans ta bouche. Voilà. Oh, mais il y aura les images joue. Ou pas, quand même. Oui, oui, il y aura les images. Non, parce que je l'ai joué, tu vas te le mettre dans la bouche. Je préfère juste sécurité. Oui, oui, il vaut mieux. Ouais, t'as raison sur le coup. Voilà. Voilà. Yeah. Tu parles pas. Donc je dis n'importe quoi. Non, mais non, mais tu le suis. D'accord. Voilà, Toff. Toff, tu suis Roux, tu sais. Ouais, ouais. Ah bah mec, allez on y va, attention, Blair DJs maintenant, c'est parti. Donc ça c'est par où hein. Il est bon. Oh quel talent putain. Waouh c'est bon ça. Eh les gars, si on fait un clip, je veux bien montrer mon genou hein. Quelle horreur. Et le roux est à fond dedans. Tu sors after il est midi, tu Facebook. Vous êtes déjà vu aussi concentré ou pas? Ah non, jamais non. Tu sors after il est midi. Bon allez c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était parfait, bravo. Bravo. C'est bien, bravo Roux, putain c'était quelque chose. Hein. On peut les applaudir. Parfait. Oh là là, quel talent. Ah c'était surtout alors ce que j'ai bien aimé c'était Facebook. Ouais, juste c'était quand même la note en plus quoi, tu vois la touch. C'est super perturbant. Et toi Roux, comment ça s'est passé? Mais c'est génial, t'as l'impression de bien chanter. Alors on s'est fait chier à faire des morceaux là. Mais on a perdu des nuits et des nuits alors que tu mets ça, ça va mettre ça sur les refrains. Enfin, cela dit, si je puis me permettre, même avec ça, ça n'était pas très juste. Hein. C'est vrai, c'est de la merde, tu es mauvais, mais je veux dire, c'est que si tu t'y mets un petit peu, attends, avec ça, moi dans ma chambre, je passe des heures. Hein. Là, je vais enregistrer des CD, je vais les envoyer à Énergie. Ouais, bah écoute, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Sauf que vous êtes DJ et qu'il y a de la prod avec. Ouais, voilà, c'est ça. Mickaël, le podcast. Comme tous les soirs entre 21h et minuit, avec donc toujours Bel Air DJs qui sont avec nous. Ça va toujours en pleine forme? On t'entend mal. Hop là. Nickel, on est là. Bon, mais... parfait. Leroux vient de faire sa chanson, donc ce fut ce qu'on appelle chez nous un drame. Ouais, ou rigolo. Voilà. Ouais, ou rigolo, voilà. Effectivement. Sandro qui voulait absolument tester aussi avec la machine. Oui, d'accord. Tu préfères avec le tuyau dans la bouche ou avec le micro? Non, la grippe, non merci. La grippe. C'est Toff en plus qui vient le foutre dans la bouche. Ouais, oui, bah, oui. Raison de plus. Oui. On sait pas où il a mis sa bouche avant. Bon, et donc justement, Toff qui reçoit Elodie donc ce soir, Elodie qui ne va pas regretter du tout des... Oh, quelle horreur. Non, mais c'est ils ont mis un fou sur un écran. On m'a toujours dit que pour pêcher les filles, il fallait jouer de la guitare au coin du feu. Ah ouais, mais alors là, j'ai ramené le coin du feu, mais sur des écrans. Il faut vous expliquer. Ils bossent pas autant quand il n'y a pas de... Ouais, je te confirme. Et donc là, il y a un grand écran, donc 42 pouces pour ceux qui voient, donc il y a une fausse cheminée quoi. Ouais, un feu quoi. Ouais, un feu qu'on met dans son salon, il y a deux bûches et puis il y a des flammes quoi. C'est... Mais pixelisé, hein, parce que sinon c'était pas bien. Il fallait que ce soit moche. C'est YouTube, hein, on fait ce qu'on veut. Il fallait que ce soit moche, c'était impératif. Voilà. Bon, et qu'est-ce que c'est? J'avais réfléchi à des fleurs et puis je me suis dit non, je suis belge et tout, donc je lui ai amené des bonbons. Et je vois pas le rapport. C'est comme ça qu'on attire les enfants en Belgique. Jacques Brel. Oh, c'est con, va. C'est drôle. Je voulais faire un hommage à Jacques Brel. Et donc, du coup, je lui ai apporté des bonbons. Et j'ai écrit une petite chanson sur Je t'ai apporté des bonbons. Honnêtement, je préfère les bonbons. C'est vrai. Oh non. C'est bien parti. Oh, non ouais. Tu vois, je t'avais dit que ça partait sa chance. On peut faire des paris. Hein. Alors, vous mettez quelle cote sur le fait que Toff gagne? Allez, 5. 1. Quelle est la chance de Toff de gagner? Ah bah rien, mais c'est pas grave. À zéro là, zéro complètement. On peut parier sur le fait que ça va être rigolo. Oui, ah bah écoute, on va voir. Allez, qu'est-ce que tu nous as préparé? Mais attention, parce que là, Toff, il a jamais fait ça. Hein. Non, ça fait 5 ans, il a jamais pris une guitare, un micro. Voilà. Non, mais c'était bien pour c'était bien pour tout le monde. Il a pris la guitare à l'envers. Très bien. Allez. Allez, à le château. Voilà. Oh là là, les Gypsy Kings. Bien évidemment, je ne sais pas jouer de la guitare, ouais, c'est ça qui on sait. Ne t'inquiète pas. Arrête de justifier, on sait. À la première note, on aurait pu capter, tu sais, t'inquiète allez. Pas. Allez, Elodie, je t'ai apporté des bonbons. Ah non. Oh, parce putain, que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Ah oui, ça fait peur, mais ça c'est dramatique. Pour que tu puisses te foutre de ma gueule de con. Oui, ça, c'est... C'est pour ça que je t'ai apporté des bonbons. Non mais c'est chiant. On dirait un gogol. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces paroles de merde? Je t'ai apporté des bonbons. C'est horrible. Pour que tes amis de Bel Air... J'espère que tes amis de Bel Air, parce qu'il manque la moitié du texte sur l'écran. Oh là là là. Oh, il a rien. On s'en fout, allez. J'espère que tes amis de Bel Air ne diront rien. Pour finir... Entre terrain. Bon, toi, ferme ta gueule. Prends la machine. Ça ne changera rien. Si, si. Non. Si, on n'est pas à l'abri que ça change. Attends, prends la machine, ce sera, je pense, moins... Enfin, ouais, bon, non, écoute, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va essayer. Voilà, attends, vas-y. Ça marche ? Non, on t'entend mal. Ah bah oui. On t'entend mal ? On t'entend mal ? Eh bah c'est parfait comme ça. Ah c'est parfait ? Hein ? On n'entend rien. On t'entend pas. Comme ça, on est au top. Ah voilà, on va réparer ça, ce sera parfait. Bon, en premier... Qu'est-ce que t'en penses, Elodie? Comme ça, à froid ou à chaud, enfin comme tu veux. Ouais, à chaud même. Ouais, à chaud. Parce que, non, franchement, c'est super mignon. Wow. Ouais, c'est pas toujours très juste, mais bon, même moi, la voix super cassée, donc je t'en veux pas. C'était juste l'effort. Non, mais alors, c'est pas possible, on n'entend rien dans l'aucun micro. Ah, bah voilà, c'est bon. On m'empêche bon, de allez, draguer, vas-y, maintenant parle. Oh, mais non, arrête un peu. Je disais que c'était juste pour elle que je l'avais fait, voilà. C'est vraiment super. Mais il a pas fait l'effort de l'apprendre par cœur, quand même. Ouais. Non, je pense que c'est moche. En fait, 10 minutes avant, je l'avais pas écrite encore. Ah ouais. Ah bah très bien, d'accord, ok. Ça m'a perturbé tellement que j'arrivais pas à trouver la chanson. Oh, bravo. Mais c'est pas possible. Bon, sinon, au niveau d'une échelle de 1 à 10, au niveau de ses chances. Allez, 6. Ah quand même, ah, j'ai putain la moyenne, hein. Ah non, mais c'est surtout parce que là t'as pas encore donné les bonbons là. Ils sont ah si, merde, j'avais pas vu le temps pour moi. Merde, je pensais que t'aurais pu grappiller encore un petit point ou quoi, mais je suis déjà à 6 en ayant donné les bonbons. Ah ouais, bah là c'est mort. Bon, allez, vas-y, réessaye avec Eh, tu peux peut-être gagner un point, on sait jamais. Ouais, voilà, avec la machine peut-être. Vas-y. C'est pas sûr. Oh là là, quelle horreur. Allez, vas-y. Et au matin, je te ramènerai après avoir joui à perdre la raison. C'est pour ça que je t'ai apporté des bonbons. Si tu savais ce que je suis fier de te voir pendu à mon dard. Non. Les gens me regardent de travers. Bon, allez, ça ira, Tof, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de tout. Non, non, moins non, un, c'est moins bon. Ouais, t'es plus qu'à 5 là, tu vois, tu viens de perdre. C'est dommage, c'est dommage. Et franchement, je m'attendais pas à ce que tu montes à 6. Hein. La machine. Ouais, bah t'avais dit, ouais, il fallait surtout pas que tu utilises ces paroles. Ouais, moi je trouvais que c'était bien les paroles. Ouais, c'était bien, ouais, n'importe quoi. Bon, bref. Et sinon, Elodie, depuis que t'es la star de la chanson, parce qu'il faut le dire aussi sur le clip. Ah ouais, c'est que moi. Plus de... Non, bah, sur le clip, ouais. C'est-à-dire qu'un mec regarde plus facilement toi nana, que deux, ouais, hein, si je peux me permettre. Bah, ouais, il n'y a qu'une nana, en fait. Voilà. Et donc, concrètement, il y a eu plus de... Est-ce que les gens ont réussi à trouver ton Facebook perso ou pas? Bah non, parce qu'on le balance pas du tout, même sur les teasers ou sur le clip. Ah bah ouh, alors là. Voilà. Donc, là, n'empêche pas l'autre. Justement, ce soir, on voulait le donner. Ah, en exclu total. Toi, va ouvrir son Facebook. Voilà, juste pour elle. Oui, Elodie, c'est très vaste. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Sur Facebook, il y en a plus de 5000. Donc... Ah oui, quand même. Non, seulement. Je pense. Moi, je m'attendais à bien plus encore, même cela plus, dit. Ouais, je pense même plus. D'accord, ok, très bien. Donc, pas de plan. Et, alors, Facebook, et par rapport à ceux qui. Enfin, pas des proches, genre famille, mais tes potes, tout ça. Est-ce qu'il y a une certaine notoriété, le Star System est sorti? On m'a beaucoup parlé du teaser à la base. Ouais, on t'a demandé combien t'avais pris? En argent, je parle, bien sûr. Non. Ah non. Non, personne m'a posé. Eh ben nous on va te le demander. Bah rien à mon avis. Hein. Personne m'a posé la question. Voilà, j'ai pas envie de prendre des sous. C'est aussi des amis, donc il y a pas de raison. Ouais, c'est un service pour un service. Quoi. Voilà, on montre mon image. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire pour eux. Donc. D'accord. Bon, bah très bien, parfait. Et vous, au niveau de la notoriété, les amis, tout ça, sont arrivés, genre, tu sais, genre vous passez en radio maintenant, ouais. Tout le bordel. Genre ça peut être intéressant. Non, non, non. Ouais, enfin, genre vous avez beaucoup plus d'amis qu'avant, tout ça. Ah des amis, ouais. Ouais, ah. Ouais. Avec plein de demandes d'amis. Ah oui, non, mais ça bouille. D'amis. Ah oui, ouais. Des faux amis. Non, mais des amis Facebook. Quoi. Des amis Facebook. Ouais, voilà. Des vrais amis, les amis. Ouais, des faux amis. Des amis. Non, si, c'est des vrais amis, mais ouais, voilà. Il parlait des vrais amis. Non, par contre, il y a des anciens vrais ennemis qui commencent à devenir amis. Ah bah, tu m'étonnes. Ah bah, c'est-à-dire que là, ils voient le truc, ils disent, tiens, c'est marrant. Non, oh, non. Ouais, c'est non. Vraiment bien ce que t'as fait. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, dis donc. Alors, qu'est-ce que vous avez un concert, tu me dis, hein, ouais. Je viens. Hein. Y a pas de problème si c'est gratuit. Non, mais sinon. Et la consécration, vous passez sur FG? Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est là-bas qu'on a, que ça a commencé. Bah, notre rencontre en tout cas. Oui, la rencontre. D'accord. Voilà. Et vous faisiez quoi là-bas en fait? Juste DJ, animateur, animatrice? On est toujours, à vrai dire. Non, mais bien sûr, mais ouais. Je veux dire, vous auriez pu être animateur ou... Moi je suis producteur et lui est producteur et animateur. Voilà. D'accord. Et donc toi, pas d'animateur comme t'étais aussi à FG? Et à la réalisation. Voilà. Ah, tu faisais la réa, mais il fallait le dire, t'aurais remplacé Pedro. Bah ouais, mais... Elle cherche du taf d'ailleurs. Une hein, des ouais. meilleures réas qu'on ait eues en plus. Ah oui? Ouais, vraiment. Ah bah écoute, très bien. Ça donne, on prend bonne note. On prend bonne note. Sinon, le CV, le CV. Cher. Non. Non, bah parfait. Ah bah écoute, ah bah non, ton non. contrat est préparé. FG, oui. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Bon, merci à vous en tout cas d'être venu et puis on mettra les, bah, votre live sur le site. Oh, attends, aussi, on ou pas la merde. Quoi? Le live, ton live. Oh bah si. Attends, oui, bah, bah, bah attends, c'est le meilleur. C'est le meilleur de tous ceux qu'il a fait. Hein. Non, ça d'accord. Alors ça, je suis d'accord. Ça, je suis. Parce que aussi, il y avait la voix originale en dessous. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça aide quand même pas mal. Hein. Tu faisais quoi pour faire? Non, ouais, pour faire chier énergie. C'est quoi ton créneau horaire sur FG? Ah. C'est pas pour faire chier. Fais ta pub, vas-y. Profite. On fait 10h-14h. Voilà, je fais antenne tous les jours. Le lundi au vendredi. 10h-14 tous les jours. Voilà. Bon, bah très bien. Écoute, le message est passé. Bonne chance avec Bayer DJs. Merci. Et puis, bah, l'occasion, vous repassez quand vous voulez. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon. En cas de fraise tagada. Merci de nous avoir reçus. Oui, bah écoute, on pourra s'arranger, Toff. C'est pas pour toi, mais bon. Ouais. Elle a même pas goûté. Ah, la peur. Ah, dis donc, c'est vrai ça. Il y a de la cire. Ah. On fait un cadeau et regarde ça, elle goûte même pas. C'est quand même dramatique. J'attendais la fin parce que c'est pas toujours charmant de parler avec une fraise tagada. Bon, écoute, pas ça grave. Dépend pour qui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça, ça, ça, ça dérangera pas forcément. Alors que moi, par contre, elle a beaucoup monté. Hein, bon, allez, passez une bonne soirée tous les trois. Et merci. Puis donc, quand vous revenez, quand vous voulez. Et donc, Bel Air DJ, je vous tapez ça sur le groupe Facebook pour devenir fan. Mickaël, le podcast. Et nous allons pouvoir passer maintenant, comme tous les soirs d'ailleurs, au chéri, je t'ai fait cocu ou au GAV. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Michel, elle a la pression. Y a personne dans le standard, ouais, mais Micha. Mais oui, mais il arrive. Mais là, vous mettez trop la pression là déjà. Déjà, ça commence mal. Non mais attends, si on c'est part sur de mauvaises bases, putain, on n'y arrivera pas. Tu es une mauvaise base. Non mais attends, on peut pas partir sur une mauvaise base. On est au mois de juin presque. Allez, on est au mois de mai. Ouais, mais bon, c'est pour tous les chéris cocu réussis que j'ai fait dans l'année. Oui, ah oh bah franchement, ça se compte sur les doigts de la main. On va s'en aller sur une mauvaise base. Ouais, ouais, on va s'en aller sur une. Oui, alors ça, par contre, on peut faire. Ça, s'en aller sur une mauvaise base. Bon, Micha, t'en as un ou pas là? Oui, bah écoute, il arrive là. Il arrive. Il arrive et on, bah, on attend. Hein. Voilà. Pour l'instant, on se fait une petite partie avec le jeu là. Bah, ouais, ouais, je suis en train de jouer. Bah, voilà. Tu joues pour un qui a un dos qui travaille. Ouais, bah, c'est ça, voilà. C'est mon boulot. Bon, qu'est-ce qu'il y a Mais arrête de m'y tenir, Micha, ça répond pas. Ça répond pas, ça répond. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ça, pour le moment, le mec, je pense qu'il doit pas capter. Hein. Je sais pas, c'est sur répondeur. Ok, j'ai compris. Et c'est pas de ma faute, je suis pas dans la. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'au lieu de nous dire dès le début, bon, il est sur répondeur, je suis mais un peu en alerte. Non, non, j'appelle. Oui, ça arrive, ça arrive. Ou comment faire perdre du temps tout le monde, quoi. Mais non, mais c'est, je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave. Vous aurez votre lettre. Très bien. Ah bah, parfait. Eh bah, tant mieux. C'est parfait, tant mieux. Bon, bah, c'est pas grave. On va se faire un vieux cocu. Parfois, c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleurs. Non, mais je peux essayer en antenne. Non, laisse tomber. Va, te casse pas la tête. Renseigne-toi déjà pour la semaine prochaine. Il va falloir être au taquet la semaine prochaine. Ouais, je compte sur toi. Allez, c'est pas grave. Bon, du coup, on se fait une petite rediff. Ouais. Oh, allez, c'est pas plus mal. Hein. Petite rediff maintenant d'un chéri, je t'ai fait cocu. C'est parti. Christine de retour, oui. Pour le chéri. Oui, oui, oui, oui, oui. Pour le chéri, je te fais cocu. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Bon, on va appeler ton mec, ok? Ouais, vas-y. Au plus il s'énerve, au plus vous avez de chance de repartir avec la caméra numérique. Ouch. Ah ouais. Allez, ouais. On y va. Bonne chance. Merci. Allez, c'est Toff qui fera Alex. Il a une voix de vieux. Ça décroche, bien sûr. C'est ça le plus dur. Ouais. Oui, allô? Allô, chouchou? Oui. Chouchou. Salut, c'est moi. T'as reçu mon SMS? Oui, cet après-midi, oui. C'est la première fois qu'on fait un chéri, je te fais cocu. Dis, j'ai quelque chose à t'annoncer, je suis direct, mais bon, tu me connais, je suis toujours direct, moi. Hein. Oui. C'est pas facile à dire, tu vas garder un petit peu ton calme, et puis tu vas m'écouter. Pourquoi qu'est-ce qui se passe, ça? T'énerve pas, commence pas, hein. Mais bon, t'as rien dit encore. C'est ça le pire. Eh ben voilà, écoute, moi de toute façon, il n'y a pas 36 façons de l'annoncer, hein. Je me suis remis avec Flo. Comment ça? Et Florent, mon ex. Allô, t'es là? Ouais, mais... Quelle voix. Qu'est-ce qu'il me raconte, là? Ça va? Eh ben, je te raconte que je me suis remis avec Florent. Attends. Là, tu déconnes ou quoi? Mais non. Non, oui. Je déconne pas, non. Non. Je préfère te le dire tout de suite. C'est pour ça que je suis pas venue hier. C'est pour ça que je suis pas venue aujourd'hui. T'arrêtes pas de me dire que j'ai changé. Oui, j'ai changé, naturellement. C'est obligé. Mais voilà. Je te le dis franchement, hein, quand même. Je peux pas te le dire autrement. Hein, comment veux-tu que je te le dise? Attends, chouchou. C'est pour ça que tu m'appelles à l'heure là. Là, je comprends pas. Il y a un malaise. Bon, allez, non, il n'y a pas de malaise. Non, mais écoute, là, j'ai voulu... Attends. Attends un peu, là. Ça va pas, ça. Christine. Oui, Flo. Oh, bon, t'as fini, là. Et c'est qui, celui-là, là? C'est Florent. T'es vraiment avec lui? T'es terminé avec lui ou quoi? Je veux pas t'attendre toute la soirée, là. Bon. Attends, j'arrive. Approche, là. Oui, j'arrive. Attends, c'est qui, Christine et Chouchou, c'est qui celui-là? C'est Florent! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ce connard, là? C'est Florent! Oui, mais pourquoi tu m'appelles? Je suis en train de discuter! Tu discutes de moi! Mais t'es vraiment avec lui? Mais oui, écoute, moi, là, j'ai voulu essayer avec toi, plus jeune, et puis en fin de compte... Tu commences à me prendre la tête, là. C'est quoi, il est revenu avec toi, ou quoi? Oui, on s'en remet ensemble. Pourquoi? Bah parce que j'ai voulu essayer avec toi parce que t'étais plus jeune, mais en fin de compte, il a su mieux. Oh! Oui! Il n'y a plus rien à la télé, mais il est où là? Il est avec toi ou quoi là? Oui, il est avec moi. Mais chez moi. Ce mec là, mais c'est un collard, pourquoi tu l'as repris ce mec là? On devait faire une vie ensemble tous les deux là. Qu'est-ce que tu te remets avec lui? Arrête voir un petit peu, tu me prends la tête là ou quoi? C'est qui ce connard là? Mais non, mais écoute, je vais même pas te le dire maintenant. Passe-moi le là, je vais mettre une tête dans la... Attends. Bon, tu raccroches. Oui, j'ai raccroché bientôt. Ça commence à être long là. Oui, j'ai raccroché, attends deux secondes. Mais attends voir, c'est n'importe quoi, chouchou, là, tu me prends pour la tête. Pourquoi t'es pas venu hier? Parce que j'étais avec lui. Mais t'étais avec qui? J'étais avec Florent. Mais Florent, c'est moi. Florent, espèce de connard, là. Mais l'insulte pas, c'est pas la peine d'insulter. Moi, m'insulte. Non, mais c'est un connard, pourquoi t'es dormi avec ce con, là? Bah parce qu'il assume plus que toi. Bon, Christine, avec qui tu parles? Je parle avec Georges. Georges, c'est le guignol dont tu m'as parlé hier? Oui. Ta gueule, espèce de guignol, t'es un guignol, toi. Tu veux que je te fasse ta gueule, espèce de connard, là? Yo, à qui tu parles, là? Tu sais à qui t'as affaire? J'en ai marre. N'importe quoi, toi. Ouais, mais t'énerve pas, écoute. Il parle, celui-là, là. Écoute, il vaut mieux que je te le dise. T'es avec lui, là. Je lui dis. Oui, mais vaut mieux que je te le dise maintenant, non? Passe-le-moi. T'es avec moi, là. Tu prends pour la tête, hein? Passe-le-moi. Allô? T'es pas venu mardi, hein? Allô? Tu prends la tête ou quoi, là? Allô? C'est qui? Ouais, c'est qui là, pareil? C'est Florent. J'ai rien à foutre de Florent, mais t'es un connard, pourquoi tu t'es remis encore une fois avec Christine là? Bon, parce qu'elle est bonne, hein, franchement. 51 ans, elle connaît encore bien. Elle est à moi, cette femme là. Elle est pas à toi, tu l'as dit, on dit cocu déjà plusieurs fois, elle fout-moi la paix. Va vivre avec des autres femmes, elle me casse pas les couilles. C'est bon, je te l'ai. Christine, elle essaie de me l'oublier. C'est bon, je te l'ai prêté, tu me la rends, on n'en parle plus. T'as pas compris encore? Bon, t'as pu l'essayer un peu, bon, elle s'est rendue compte que c'était pas terrible avec toi. J'ai rien à foutre, moi, tes conneries, là, ok? Mais casse pas les couilles, d'accord? Non, moi, je te laisse tranquille, là, on raccroche, on s'appelle plus, et puis c'est fini. Non, c'est toi qui m'appelle, c'est toi qui me parles, là, je te signale. Bah, justement. Tu laisses Christine tranquille, d'accord? Non, ça, par contre, ce soir... C'est trop beau. Tu vas pas te faire chier comme ça, d'accord? C'est pas ce soir que je vais la laisser tranquille, hein. J'ai déjà assez de soucis avec elle, déjà. J'ai déjà assez de soucis comme ça et je veux pas te faire chier, d'accord? Bon, ben je te fais pas chier, on raccroche, on n'en parle plus, moi je m'occupe de Christine ce soir. Hein, et toi, non, tu restes chez toi. Faut te faire enculer, d'accord? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Ça fait longtemps que je suis pas passé par là. Ouais, d'accord, mais tu me laisses tranquille, d'accord? Ouais, je te laisse tranquille, d'abord, si... Putain, mais c'est n'importe quoi, ça. De quoi ça? Je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi, on va arrêter là. Comment? On va arrêter parce que là tu m'as saoulé là. Tu me prends la tête. Tu me donnes mal, oui c'est ça. Tu m'as donné mal au crâne là. C'est toi qui me prends le crâne là. Bon, je te repasse Christine, là tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Tu là tu raccroches, tu lui dis au revoir et on n'en parle plus. Hein. Je veux plus t'entendre. D'accord, Flo. Voilà, allez, hop là. Mais pourquoi t'es insultant comme ça, merde? Mais putain, mais c'est incroyable, mais avec qui tu joues là? Oh, tu joues avec moi, mais je joue avec personne. Je joue avec personne, j'ai essayé avec toi, ça va pas. Christine, tu lui dis au revoir et tu raccroches et on n'en parle plus. Oui, je lui dis au revoir. Mais pour qui ce connard là? Je vais lui péter sa gueule à ce connard là. Attends, je sais où t'habites, de toute façon, demain, je vais monter, tu vas voir. Je vais non, tu montes pas, gueule, ça t'en fait rien, tu verrais pas. Mais qu'est-ce qui se prend, celui-là? Tu me connais pas, là. Oh, reste calme, oh, Georges, reste calme. Oh là là, tu te vois pas, je te connais pas, espèce de matraque. Eh ben, on se connaît pas, et c'est mieux comme ça. Espèce de matraque. Je vais pour toi, et tu me réponds pas, d'accord, oui. Oh, Georges. Comme je veux, Georges. Eh, hey, Georges. Oh là là là là. Je parle avec Christine, et je parle pas avec toi, moi. Oh, Georges. Okay, t'énerve pas, t'es arrêté de t'énerver, hein. Oh là là. Christine, je me casse pas les couilles non plus, d'accord. Tu m'énerves ce soir. Eh, Georges. Eh, c'est pour ça qu'elle m'a pris la tête, là. Georges. C'est pour ça que t'es pas venu hier. Georges. Georges. Ferme ta gueule, toi. Georges, je te rappelle. Je te rappelle. Je te bourre la gueule, t'as compris? Je te rappelle. Non, non, tu me rappelles pas du tout. Tu m'oublies, t'as pas d'accord, ok? Tu ne veux plus entendre ta grande gueule. Bon, Christine. Oui. Bon, allez, dis-lui, parce que là, sinon, on va jamais sortir. Hein. Allez, ouais, chouchou, je m'en fous, t'es moi. Une attends, tu me prends la tête, t'es pour qui pousse. Là, il y a pas de soucis. Georges. Non, il y a pas de soucis. Merde. Ah, oh, qu'est-ce que tu fais? C'était une blague. Non, tu me prends pas la tête comme ça, d'accord? Il y a pas de blague. D'accord, c'est une blague. Okay. Sur énergie. Non, je m'en fous de l'énergie, j'ai rien à foutre moi de ton énergie. Moi tu me prends pas la tête. Hein. Non, c'est la radio, Georges. Je m'en fous de ta radio. Mais Georges, c'est une blague. Ah ouais, mais c'est ça, déjà les jeunes ils mettent du temps à percuter, alors lui. Bon, Georges et Christine. Georges et Christine. Michel, arrange ça, démerde-toi et on reprend, on revient juste après la pub et on essaye de voir comment ça s'est passé avec Georges. Mickaël, le podcast. Et puis nous allons se faire péter maintenant, comme tous les soirs à la même heure, le Mac du jour. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour, un tour d'horizon de l'actu condensé et revu notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu, cinéma. Eh oui, Festival de Cannes, il n'y aura pas de représentant italien cette année. Le ministre de la Culture, Sandro Bondi, a décidé de boycotter la cérémonie en raison de la sélection de Dracula, un film propagande sur la gestion du tremblement de terre qui s'est déroulé en 2009. Et on a Silvio Berlusconi au téléphone pour en parler. Allô Silvio. Pronto Michele, comment stai? Bah écoutez, ça va, mais alors c'est quoi ce merdier là? Vous nous boudez? Ma no, c'est rien contre la France, hein. Vous savez comme j'aime Ramaya et Carla Bruni. Oui, enfin, elles sont pas présidents de la République en même temps, hein. Ma, on s'en fout, elles sont bonnes, je peux les mater quand je viens chez vous. Bon, bon. Bon, alors donc ça n'a rien à voir avec la France, là, mais pourquoi vous venez pas au Festival de Cannes? Ma, tu sais... Bon, il te le dit à toi, en fait, il va venir. Ah bah, il faut savoir, là, vous venez pas, qu'est-ce qui va se passer, là? Non mais l'autre tapette là de la culture il vient pas s'il veut. Moi je veux pas passer à côté des chaudasses en robe décolletée au talon sur le tapis rouge hein. Ouais, mais n'empêche que ce film Dracula là il vous critique très ouvertement quand même. Non oui, mais c'est sympa, c'est comme ça l'Italie, les gens ils aiment rarer pour tout et pour rien. Ah bah ça c'est comme la France hein, on sait. Eh si, mais nous comme rare on a plus la classe c'est tout. Bon, en gros on vous accuse d'avoir fait exprès de laisser les sinistrés du tremblement de terre sous les tentes et d'avoir fait un peu ce que vous vouliez au niveau de la reconstruction quoi. Bah oui, ma fille, tu savais comme c'était moche. C'est comme si Dunkerque était détruit. Ah, tu serais quoi toi? Bah je sais pas, je relogerais les gens et puis j'essaierai de remettre tout à l'état d'origine. Eh bien tout est un con. Moi je voulais garder tous les gens là pour faire les courses. On sait jamais s'il y avait une ou deux bonnes putes d'un coup. Oh. Bon et pour la reconstruction? Eh c'est lui, elle a tout reconstruit. Joli, rond, orange, comme moi. C'est maintenant. Hey, bon, bah, c'est ça. Ouais. Bon, bah, j'espère qu'un tel drame n'arrive jamais en France avec Sarkozy, alors. Hein. Ah, c'est sûr hein, que tout le construire en petit trapu agressif, ça va pas faire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, allez, on vous laisse, Silvio. Merci. Hein. Ciao. Allez, ciao, Silvio. Allez, on passe à l'international, évidemment. Enfin, on reste dans l'international, l'aéroport de Miami. On commence à tester les scanners corporels, sauf que ça a mal tourné. Oh là là, je savais que c'était mauvais pour la santé, ces merdes-là. Ah non, non, non, ça n'a rien à voir, en fait. En fait, l'agent de sécurité, donc le cobaye donc qui était passé sous les rayons X, aurait une toute petite bite. Du coup, ses collègues se sont moqués de lui. Oh là là. Il a pété un plomb et il a tabassé l'un des deux dans le parking. Ouais, donc ça peut très vite mal tourner si on voit les sexes des mecs. Ouais, bah c'est clair, hein, mais ils ont pris des mesures de sécurité depuis. Hein. Aucun agent de sécurité noir de peau sera de service pour les vols en provenance de Chine, du Japon ou de Corée. Allez, on passe maintenant au con du jour. Et vu qu'on part au Brésil, c'est moi qui m'en charge. Oui, je sais que je suis portugais, donc ça n'a aucun rapport. Mais bon, comme il n'y a jamais de con du jour là-bas, je me rabats sur le Brésil, hein, évidemment. Bref, mes cons du jour sont une ONG brésilienne qui s'appelle SOS Mata Atlantica. Alors, leurs préoccupations sont écologiques, donc ça c'est bien. Et du coup, ils font carrément de la pub télé pour sauver la planète avec une campagne qui s'appelle Xixi no Banho. Voilà, ah oui, alors, comme ça, ça vous dit probablement rien. Non. Alors, bagno, donc ça veut dire le bain ou la douche, un peu comme vous voulez. Donc là, vous comprenez un petit peu le but, hein, donc économiser de l'eau. Ouais. Voilà. Mm-hmm. No, ça veut dire Sandro ? Non, je veux pas, non. Non, ça veut dire dans ou alors sous. Ah oui, aucun rapport. Voilà, en dessous, peu importe un truc. Et à votre avis, ça veut dire quoi, chichi ? Chichi. La femme à crinin ? Attends, faut capter. Ah, Dragon Ball Z. Ouais. Moi je croyais que c'était les trucs que tu manges là. Les bon, chichis. Ça veut dire pipi, donc alors voilà. Donc, ah oui. Non. Comme ça vous savez. Donc cette ONG demande à ce que les gens fassent pipi dans leur bain ou leur douche, histoire de sauver 4300 litres d'eau potable par personne et par an. Et donc c'est là qu'on voit que les écologistes sont avant tout des rêveurs. Hein. Faut quand même le dire quand même. Voilà, c'était mes cours du jour donc au niveau du Brésil. Allez, on passe maintenant au sport, football. Aux Pays-Bas, un club a décidé de prendre des mesures exceptionnelles. Pour leur recrutement, ils ont décidé de réduire le nombre de joueurs immigrés. Oui, c'est déjà le cas dans pas mal de clubs. Ils sont obligés qu'il y ait un nombre limité d'étrangers par équipe. Oui, mais là c'est différent en fait. Ils veulent que le nombre de joueurs immigrés soit représentatif de la réalité du pays. Ce sera donc proportionnel en fait. Eh bah, s'ils gardent que des blancs, ils sont pas prêts de terminer champion. Hein. C'est limite raciste et surtout c'est très faux ce que tu dis. Regarde le PSG, Roux. Bon, et puis foot toujours, la Coupe du Monde va devoir voyager jusqu'en Afrique du Sud. Et oui, le trophée quittera l'Italie dans les jours prochains, sauf que la Coupe du Monde ne se transporte pas dans n'importe quelle valise. Du coup, la FIFA a commandé un coffret spécial à la marque Louis Vuitton. Oh là là, c'est bien les gars, ça. Pour la Saint-Valentin, ils font les pinces. Par contre, pour le foot, ça sent le grand jeu. Hein. Bande de bouffons. Oh, sur ce, ce mag du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on joue avec le traditionnel quiz des citations people. Alors attention, qui a dit ? Ce que Zemmour aurait dû dire, c'est que 95% des pédophiles récidivistes, violeurs et tueurs d'enfants sont blancs. Ils n'auraient eu aucun problème. Merde, Je vais rien dire. Ah, je le sais, putain. C'est vraiment personne vanne là sur celle-là. C'est... Sur cette question-là. Merde, putain. Non. Vas-y, c'est quoi l'indice ? Ça change des vannes sur les couilles et l'épée. Ah, le Bigard. Patrick Sébastien. Jean-Marie Bigard. Dieudonné aussi, il avait sous-entendu un truc comme ça. Ah bon ? Bah non, bah là c'était pas lui pour le coup. Effectivement. Ah, tu pensais à lui ? Ouais. T'étais pas loin, Dieudonné. Oui, j'étais pas loin. Ah ouais, mais c'était un mec avec des vannes graveleuses à la base. Ouais, mais c'est chiant. Ce qui est bien, c'est que tout le monde dit Bigard. Non, Sébastien. Et ben non. Qui a dit Gwendal, je le connais depuis longtemps, c'est un garçon charmant. Gwendal, c'est. Sur Yabon Ali ? Non. Gwendal, je le connais depuis longtemps, c'est un garçon charmant. Philippe Candeloro ? Non. Denis Brognard ? Non. Jamel Bourras ? Non. Alors Sandro, t'es réveillé ou tu dors là ? Pas actrice. Je sais pas qui c'est Gwendal. Le mec dans Koh-Lanta, le Gwendal Pesera. Mais c'est un tennisman, c'est ça ? Non, c'est un patineur. Ah oui, patineur, bah ça. Ah, du coup, le débarque. Celle qui patine avec lui, non ? Oui, mais son nom. Mais ah bah, son je sais pas, moi, attends. Ah bah voilà, c'est un problème. Philippe Candeloro. Non. Bon alors ? Je sais pas, donne un indice. Ça c'était avant Koh-Lanta. Ah bah. Alors c'est un mec de Koh-Lanta, bah oui, mais il y a qui dans Koh-Lanta ? Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bien joué. Bah oui, pour ça, pour une fois. Pas comme si d'habitude il trouvait. Qui a dit Gwendal, j'ai envie de lui donner des claques ? Leboeuf. Franck Leboeuf. Après Franck Leboeuf, effectivement, bonne réponse du Roux. Ouais, tout le monde sait que c'est moi qui ai trouvé. Non, mais il fallait donner le prénom. Oui, mais les gens savent que j'ai trouvé. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Bon, et ben voilà, fin du mag du jour, retour du mag du jour. Un autre jour, effectivement. Mickaël, le podcast. Et on va se faire le blind test. Donc d'habitude on fait ça. Oui, d'habitude on fait ça le vendredi, mais bon là c'est jour férié. Exceptionnel. Ouais, voilà, et jour férié, c'est un peu comme le vendredi. Voilà. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué avec les radios chatas qu'on a fait en début d'émission, c'est un peu un double vendredi cette semaine. D'accord, bon, voilà, parfait. C'est un petit peu comme ça. Sauf que demain, il faudra venir bosser, Sandro. Ah bon? Ah oui, oui, oui. C'est comme le vendredi, mais ça veut pas dire que c'est vendredi, puisque aujourd'hui c'est bon, jeudi. D'accord. Voilà, comme ça tout est dit. Hein. Ah, ça c'est pas bête. T'as vu? Non, mais j'ai pas pensé, moi, que le jeudi c'était pas le vendredi. Non, c'est pas ça, mais comme je dis que c'est un peu comme le vendredi, puisque c'est jour férié, on pourrait imaginer que le week-end démarre. Oui. Mais non, le week-end ne démarre pas, donc demain, il faudra quand même qu'on soit là. Non, parce que je préfère prévenir, je vais me retrouver tout seul demain. Oui, oui, c'est si ça. Je préviens pas. Voilà, si je préviens pas. J'aurais préféré que tu préviennes pas. Mais voilà, mais c'est justement pour ça que j'ai prévenu. Bon, nous allons donc faire un blind test. Qui c'est qui s'y colle aujourd'hui? C'est moi. Non, mais Roux, tu l'as fait la semaine dernière déjà. Ouais, enfin, la semaine d'encore avant. C'est un là. Jukebox, oui. Alors, ouais, mais ouais, attends, c'est de nouveau pas ton blind test iTunes. Non, non, non, c'est pas un blind test iTunes. D'habitude, enfin, à la télé, même à la radio, on fait souvent des génériques, enfin, les blind tests sur les génériques de séries télé. Ouais. Donc là, je me suis dit, on va faire un blind test sur les génériques de séries télé. Mais pas marché. De merde. D'accord, ok. Là, bien. C'est que les séries de merde. Ok. Toutes celles qui ont été arrêtées avant la fin de la première saison. Non, peut-être pas, mais en tout cas, si vous aimez, enfin, si vous vous aimez, et donc si vous reconnaissez, c'est la honte. Ah. Très bien. Bon, allez, vas-y, fais péter le premier, on va voir. Vous êtes prêts? Vas-y, vas-y. Prêt. Oh, c'est facile, seconde chance. Barry White. Ah oui, seconde chance, ouais. On dirait un Barry White. Ah ouais, mais. Moi, je trouve qu'on dirait de la merde un peu. Moi. Non, Barry White en féminin. Barry White. Ouais, en meuf, quoi. Hey darling. Non. Ah bah si, non. Un peu de ça. Ouais. Arrête un peu la honte de Barry pour Barry White, quoi. Arrête un peu. Bon, ok, seconde chance. C'est marrant que t'es trouvé, Toff. Mais non, mais moi je me souviens à cause de la prod qu'on avait fait. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, d'ailleurs, très bien. Ça serait bien qu'on se la remette. Oui, bah écoute, on verra. Vous êtes prêts? Allez, deuxième extrait. Suivant. Attention, celui-là, il est collector. Vas-y. Dallas? Non. Attends. Falcon Crest? Non. Les routes du paradis? Non. Ouais, ça fait très ça, mais non. Dynasty? Putain, je connais ça. C'est nul. Oh, franchement, ça me j'en sais rien du tout. Si, attends. Je donne la chaîne, si vous voulez. Ouais, vas-y. C'était sur TF1. Ah ouais, tu nous as grave aidé, là. T'as ma soeur regardait ça tout le temps, ça me donnait dingue. C'est horrible. C'est encore un truc de pauvre, c'est ça. TF1. Ouais, et ouais. Et c'est allemand. Ah bon? Ah Chapeau melon et bottes de cuir. La clinique de la forêt noire. Ouais. Oh là là, c'est quoi cette merde? Je connais même pas. Ah, j'ai dit un générique de série télé de merde. Ah ouais, mais là c'est de la merde. Ouais, putain, la clinique de la forêt noire. Oh là là, j'ai honte. Hein. Suivant. Vas-y. Oula. Ah oui, déjà. Mais ça porte très bien son générique. Hein. Je propose que Roux ne fasse plus de blind test. Non, je crois qu'il va être... jusqu'à la fin de la saison, il ne pourra plus en faire. C'est allemand ou c'est américain? Ou c'est français? Enfin... C'est français. Je crois que Roux, il sait même pas. Si, c'est français. C'est français. À la honte. C'est un carton. Ça, par contre, c'est un carton. Louis Labrocante. Louis Labrocante. Ah, Louis Labrocante. Ah, j'ai jamais vu ce truc. J'ai jamais vu non plus Louis Labrocante. Imagine, bon, le générique est aussi chiant que le titre. Pourtant, ouais. Ça fait quoi, 4-5 millions de téléspectateurs, hein? Bah oui, mais ouais, c'est Blair. Les gens aiment bien les Blair, des trucs Blair. Ah, c'est vrai, pour ça qu'on nous écoute alors. Ouais, non, pas. Justement. Ah, voilà. Bon, vas-y, extrait suivant. Allez, suivant. Allez. C'est encore de la merde. Supercopter. Non. Ah, S Club 7. Ouais. Ah, c'est anglais, ça. C'était horrible cette chanson. Non, je me souviens le générique, la série en elle-même aussi. À l'époque, je commençais la radio, on me forçait à passer cette horreur. Ah, ça passait à la radio, ça? Ah ouais, la chanson. Ouais. Ah ouais, S Club 7, c'est le seul et unique morceau d'ailleurs de S Club 7. Hein. Dieu merci d'ailleurs. Ah, bon. Il y en a eu un deuxième derrière. Oui, bah oui, enfin il a jamais marché, donc c'est ce que je disais, c'est le seul et unique. Allez, vas-y. Le plus fort, entends rien. Je peux donner la nationalité. Non mais c'est allemand. C'est allemand et ça passe encore. Et ça passe encore. Sur France 2. Roux, il a grandi en regardant des séries allemandes. Oui, bah oui, il avait pas le choix. Il n'avait que la ZDF. Cobra? Non, c'est pas... Alerte Cobra. Ouais, Alerte Cobra. Alerte Cobra, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je savais que ça passait encore, je suis tombé déjà dessus quelques fois, c'est horrible aussi ça. Bon allez, vas-y, encore un petit dernier ou l'avant-dernier. Allez. Ouais, pour Sandro. Allez. Ouais, bah c'est merde. Ça dit quelque chose, mais... C'est chiant, c'est bâtard. C'est français, c'est AB Prod. Ouais. Les musclés. Le miel et les abeilles. Non. Les musclés, la croisière La croisière pour l'amour. Ouais, on l'a dit ensemble. Pourquoi tu dis pour Sandra, connard? De quoi? Regardez pas ça. Alors que c'est lui qui était ça devant. La croisière pour l'amour, cette merde. Non, alors que c'est lui qui était devant cette série pourrie. C'est grave. Ouais, c'est ça, arrête un peu. Je rappelle t'écouter chez Squad. Oh putain. 21 Jump Street. Alors là, tu viens d'insulter cette série. La 21 Jump Street, hein, je parle. Alors là, ça me dit rien du tout. Je vais t'insulter toi dans 2 secondes, t'as vu les merdes que tu nous passes. Ouais, c'est générique de série télé. Il y en avait plein Je rappelle que le roux, jadis, quand il avait un iPhone, avant qu'il le perde à Barcelone, écoutait ça dans son iPhone. Non. C'était ses sonneries. Non, je sais pas, Commissaire Rex. Non mais arrête c'est un pas peu les là. Le chien, Mais oui, mais le chien, mais attends, ça c'est va. C'est pas les séries pourries, c'est les séries que personne connaît, ou. Si, si, ça passe en France. Et en plus, ça a été acheté par les Français. C'est pas Commissaire, c'est Rex tout court. Non, non Rex, chien flic. Ouais, c'est ça ce que je disais, ouais. Allez, ouais. Dernier. Allez, dernier. Facile. Il m'a fait chier son blind test. Non. On dirait Indiana Jones. Vous allez reconnaître après. Ah bon? Bah écoute, si tu le dis. Hook. Non. Série Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous connaissez pas avec ça? Non, excuse-nous, hein. Ça me dit quelque chose. Si, ouais, ça me parle, mais avec les Goa'uld. Ah, Stargate. Stargate. Oh non, j'ai jamais regardé, je déteste ça. Lequel? C'est SG1. SG1, avec MacGyver. Enfin, c'était Richard Dean Anderson. Ouais, non, Richard Dean, ouais. C'était le mec, l'acteur, quoi. Parce que oui. MacGyver n'est pas vraiment MacGyver. Mais pour moi, il s'appelle comme ça. Hein. C'est pas extra bout de ficelle qu'ils ont fait les portes vers les univers. Quoique, on n'est pas là pour rien. Bon, et ben donc, tu ne feras plus de blind test. C'est des génériques de séries télé. Oui, j'ai dit, au moins 3 semaines sans blind test. Voilà, de séries pourries, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on revient dans un petit instant, on ira chez Jean-Claude. Demandera son avis tiens par rapport au blind test et pourquoi pas celui de Sandro demain. Ouais bah peut-être un blind test de Jean-Claude. Oui bah, je dis de la merde en fait parce que le blind test d'habitude c'est le vendredi donc on ira pas du tout chez Jean-Claude après, on ira chez Jean-Claude demain et on fera un QPR dans quelques instants, restez là. Mickaël, le podcast. Bonsoir Cédric, bonsoir Fabrice. Salut, comment salut. Ça va? Ça va plutôt bien, bonne journée. Eh ben écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Cédric, 24 ans, de quoi? Du 69 Saint-Genis-Laval. Ouais. C'est vers Lyon. C'est moche. Oui, bah, c'est 69. C'est le seul jour, département que je connais. Non, 75. Et oui, 75. 13. 92. 73, je connais pas. Non, 13. 13, Marseille. Voilà, 59. Ouais. 59, Lille. Ouais, Pas-de-Calais, quoi. Mais ouais. Oui, effectivement, 92. Tu m'as donné les plus gros. 92. Non, la région, ça va. Paris et sa région, vas-y, ça va. 92. Marseille, Lyon. Marseille. Les Hauts-de-Seine. Marseille, hein, c'est 13. Marseille, c'est 13. 77. Les Yvelines. Ah bah non. Tu vois. Si, bah si. Non, 78. Ah non, c'est 78. Ah oui, ouais, bah je suis con, ouais. C'est pareil, 77. C'est pareil, ça va. Hein. 74. Je sais pas. Annecy, la Suisse. Enfin, juste à côté, quoi. Annecy, la Suisse. Mais non, mais c'est parce que c'est à côté, quoi. Voilà. 94. Je crois que c'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, oui, voilà, c'est ça. 94. Allez, un département de James, bouffons, James, là. Il y a que James. Des bouffons qui habitent là-bas. Ouais, je sais, je vois non, ce que James, c'est. 91. Mais, non, c'est 91, James. Mais. Ah, c'est Essonne. Essonne, ouais. Et quand tu arrive, m'as dit quoi, 9-4 sur scène? 9-4 sur scène. Il y a Évry sur scène. Non, Évry c'est en 91. Évry. Allez, faut pas confondre Évry et Évry. Oui, mais c'est comme Evelyne et Evelyne. Val-de-Marne. Ah oui, Val-de-Marne. Ah, il est content, il est fier. Non, je m'en fous. Ah bon, d'accord, ok. Bon, bref, Cédric, donc du 69, donc Saint-Genis-Laval. Et Fabrice, t'appelles de Canfen? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Très bien. Du 57, Sandro? 57. Tour. Ah, je m'incline devant le savoir et la connaissance. Non mais c'est pas les villes, hein. C'est pas les villes, mais. Ouais non mais alors les régions c'est même pas la peine. Ah, c'est là, tu la Picardie. Oh là là. Mais non, Picardie. C'est pas la Picardie, c'est pas la Picardie. La Belgique en plus. Voilà, 54 c'est. Je sais pas. Comme Meurthe et Moselle. Voilà, Meurthe et Moselle. 57 c'est donc le. Si tu faisais un meurtre. Le. Non mais meurtre. Si non Morbihan, mais c'est vrai. Morbihan. Les mots techniques comme les mémos techniques ça s'appelle. Mais 57 c'est la Moselle tout court, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ouais, ça hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh putain, t'as vu comment je suis bon ou quoi? Département pourtant Dieu sait que je touche pas une. Bon, oui, bon enfin ça dépend hein. Oui, ça dépend que les endroits en général à côté de moi t'es excellent quoi. Oui, bah oui mais enfin bon, c'est les endroits qui m'intéressent en règle générale. L'élève de 6e est excellent. Tu t'avais pas fait pour retourner en Belgique en même temps. Non, je passe pas par là, je passe par le 59 moi. Ah d'accord. Entre autres, hein, après bon, pas non plus. Bon, il y a le 60 aussi. Hein. Ouais, il y a le 60 aussi, enfin bref. Bon, on va jouer donc question pour une réponse. Vous êtes prêts? Yes, prêt. C'est parti. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Un très petit orifice à la surface de la peau. Oui, très très petit effectivement. Bon, Cédric et Fabrice, Cédric, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Avec Sandro. Fabrice, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Allez. Je me lèche les babines. Ouais, avec la rousse. C'est donc, tu as donc choisi de jouer avec comment elle dit encore de l'euro. Ah non, mais ça c'était le cadeau de l'euro. Non, c'est le merde, ouais, je ça, sais c'est plus la chanson d'Elisabeth pour l'euro. De l'euro. Oui, non, mais c'est quoi de l'euro. La chicorée de l'euro. C'est parfait. Bon, impeccable. Fabrice, donc, avec Roux et Cédric avec Sandro. Vous êtes prêts? C'est elle la patronne, c'est elle qui décide maintenant. Je sais pas si c'est elle la patronne, mais en tout cas, on va y aller. C'est parti, attention. On ne dit rien. Première question. Et le Roux ne joue pas, puisqu'il a déjà enlevé son casque. Hein, donc, c'est pas grave, vas-y, vas-y, tant pis pour lui. Mais moi, j'ai fait tout en même temps. Arrête un peu, là, arrête. Top, je suis un état du sud des États-Unis entouré. Ah bah, c'est parfait, c'est géographique. Putain de merde. Entouré à oui. Louisiane. Bonne réponse. Il n'y en a pas 10 000, surtout que je connais. Ouais, donc. Entouré à l'ouest par le Texas, au nord par l'Arkansas, et à l'est par le Mississippi, et même au sud par le Golfe du Mexique. Enfin, feu, Golfe du Mexique. Selon le dernier recensement fédéral américain, 4,7% de ma population parle le français à la maison, essentiellement des Cadiens et des créoles francophones. Dans l'histoire, mon état portait le prénom d'une femme battue de l'Indiana qui devait fuir la peste étant jeune à cause d'une sale histoire de trafic de bananes flambées. Bien entendu, cette histoire est fausse, ça tombe sous le sens. Je suis donc la Louisiane. C'est sympa, c'est drôle, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est sympathique. Oh là là là là là. Voilà, tout à fait, Julien. Julien qui est toujours au taquet, bien évidemment. Surtout le jeudi et surtout le jour férié. Bon, Cédric, c'est un mauvais point, forcément donc 0. Fabrice, par contre, 1-0. Ok. Qu'en pense, Michael? Et qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, moi. Hein. Sinon que le roux a trouvé après une phrase, c'est louche. Oui, mais je n'ai pas la connaissance, le roux, au fond. Ouais, la exactement. Connaissance, ouais, mais c'est juste que j'ai pas de preuves là pour. Ah non, pour je suis sûr, j'ai pas triché. Donc. C'est la merguez. C'est, ouais, c'est la merguez, peut-être. Bon, allez, deuxième question, vous êtes prêts? Prête. Sandro devrait trouver, c'est relativement simple. J'aime pas quand tu dis ça, tu me portes la poisse et tu me mets la pression en plus. Ah, mais t'inquiète, attends, je suis là. Ouais, ouais, bah, ouais. Vas-y. Top, je suis né le 16 avril 1965 à Francfort, en Allemagne. Je suis un acteur, réalisateur et producteur américain. Vous me direz comment est-ce possible d'être un acteur américain quand on est né à Francfort? Eh bien, tout simplement car mon père, John, y était en service pour l'armée américaine. Cédric. Jean-Claude Van Damme? Non. Non, c'est belge, la petite là, merde. À 7 ans, mon père termine son service en Allemagne et retourne à Landover, près de Washington, où je vais laisser exprimer mon talent. En effet, on me connaît pour mon rôle dans la sitcom Martin. Martine aussi, hein, on peut le dire forcément, qui est aussi mon prénom et dans le film Big Mama, mais c'est pour avoir été le coéquipier de Will Smith dans Bad Boys 1 et 2. Ah, ma carrière va exploser. Mauvaise réponse. Chris Rock? Bah non, il y a une phrase qui vous a échappé là. Si on me prononce en anglais, j'ai des prénoms. Ah oui, d'accord, ça je sais. J'ai des prénoms de filles, je suis donc. Je sais pas du tout. Roux. Cédric. Ah, Roux. Martin, bah, Cédric. Non, bah non. Hein, qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, c'est dommage, c'était Martin Lawrence. Martin Lawrence. Je sais absolument pas qui c'est. Enfin. Si, tu vois qui c'est. Si, sûr et certain. C'est un petit black qui parle avec une voix aiguë comme ouais, ça. Ouais, enfin bon, d'accord. Bah, non, mais en doublage, les doublages français, ils font des voix aiguës à tous les noirs. Ah, c'est le mec dans Cosby, là, je sais pas quoi. Non, Il a pas, la voix, comme ça aussi dans la VO. Non. Il me semble que c'est entre lui en photo, là. De toute façon, moi, je vois un film, le lendemain, je m'en rappelle plus. Non, mais oui, de toute façon, ça sert à rien. Je vais lui montrer de malheur oublié. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est une belle question. Bon, allez, effectivement, ce fut une belle question. Attention. Bisous à tous. Ça, c'est une question très dure. Ouais, mais en même temps, on a perdu Cédric, hein. Ah ouais, mais bon, pour l'image. Bah non, on peut encore égaliser. Pour l'honneur. Ah bah non, non là, on a 2-1, ouais. Ah ouais, 2-0, là, plutôt. 2-0 pour l'instant pour Fabrice Hiroux. Attention, vous êtes prêts? Vas-y. Non. Attention. Top! Je suis un groupe de musique américain et ma musique est de type pop, R&B et soul. Je suis composé de 3 membres tels que Tash, Taril et TJ. 3T, Sandro. C'est un vieux diesel qui a du mal à démarrer. Et oui, 3T, effectivement, ou 3T. Je sors mon premier album intitulé Brotherhood, pardon, en 1995, où le succès ne se fera pas attendre en Europe, en plus, et plus particulièrement en France. En effet, l'album deviendra disque de platine. Je suis composé de 3 mots avec des T comme T, tuc et timbal. Voilà, merci Paul Pablo qui a écrit les questions. Les chanteurs de mon groupe sont des descendants directs de la légendaire famille Jackson. En effet, ils sont les fils de Tito Jackson et les neveux de Michael Jackson. C'était donc effectivement 3T. Hello, le soleil brille. Il m'en dingue avec ça. J'en peux plus avec son soleil qui brille. Hello. Voir. Non, stop. Le soleil brille. Voilà, en plus, alors là, il fait du vibrato maintenant. Bon, en tout cas, c'est perdu, du coup, Cédric, malheureusement. Hein, même si tu as mis le dernier point, enfin, tu Sandro en l'occurrence. C'est malgré tout perdu, c'est un drame, c'est une catastrophe. Eh, je sais, tout le monde est triste, c'est un drame, je sais. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage. Bon, bah Cédric, toi c'est gagné. Fabrice, toi c'est gagné. Oui, tu retournes chez Michel au standard. Bravo, et en plus de ça, tu vas repartir avec la PS3, histoire de bien foutre la rage à Cédric. Mika, est-ce que je peux me permettre un petit truc? Vas-y, permets-toi. Si ça te dérange pas, j'aimerais faire une petite pub. Ça dépend pourquoi. Pour un pote là qui a un restaurant que j'ai aidé à rénover. C'est où? Ça se trouve à Manom, c'est un bon petit restaurant, même si vous, l'équipe, vous voulez y aller. Ah bah écoute, bien sûr. Bien sûr qu'on veut y aller. Bah, tu peux répéter le jeu, hein. Donc dans le 57, ouais. Pour tous, donc pour la Moselle. Donc juste à côté de Thionville, le restaurant s'appelle le restaurant L'Empereur. C'est un restaurant chinois asiatique, buffet à volonté. Super ambiance. Il n'y a rien à dire là-dessus, les prix sont pas chers, il faut compter à peu près 14€ par personne. Et vous passez une super soirée, je vous le conseille, n'hésitez pas à y aller, l'équipe est super sympa. Déjà, évite de dire super ambiance, ça fait très blair, super ambiance, c'est le top de l'ambiance, super ambiance, vous ne le regretterez pas. Ce sera génial. Vous allez vous amuser comme des petits fous. Non, bon, effectivement, bon alors c'est quoi l'adresse, tu peux répéter? C'est à Manom, c'est le restaurant L'Empereur. C'est juste à côté du centre commercial Carrefour Marquette. Là. Je me lèche. D'accord. Les babines. D'avance. Très bien. Bon, bah, le message est passé. Bon, Fabrice, Cédric, salut à vous. Vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Oula, oui, ouais, tu disais, Cédric? Non, est-ce que je pourrais passer une petite dédicace après Fabrice? Allez, vas-y. Allez, l'OL, hein, roux. Ouais. Et bah c'est tout. Ah, nous on a gagné un titre cette année. Oui, mais vous êtes pas allé en demi-finale de Champions League. Non, mais bon, si c'est pour la perte, c'est bête. Oh, la mauvaise foi de Leroux. Mais non, mais qu'est-ce que tu... Moi j'ai un titre cette année. Je dis de Leroux. J'ai un titre cette année, toi tu vas aller en Europa League. Voilà, on sera ensemble en Europa League. Ne confonds pas tout. Non, non, en Europa League. En Europa League. En Champions League. Non, vous passerez pas en Champions League. Non, on verra. Tu vois. Ne t'enflamme pas non plus, ne t'enflamme pas. Bon, Cédric et Fabrice, allez, salut à vous deux. Ciao. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.